Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Salut les petits clous, ça farte. J'avais envie de dire ça farte. Ouais, ça farte. Ça farte, ouais. Ça peine, ça flotte. Ah bon, ça existe aussi cette expression? Ouais, tout à fait. Ça flotte. Ça flotte. Ça date de quand? Bah, même d'ailleurs dans Crocodile Dundee. Ah bah ouais, ça date d'il y a 30 ans. Oui, mais ça fait rien. Eh, sérieux. Bah, c'est le principe de l'émission aussi, hein. C'est vrai. Oui. Non, mais moi je m'en tape, comme l'argot, j'aime bien l'argot comme on le parlait. On le parle plus, l'argot. Oh. Non, mais c'est dommage, hein. Attention, j'aime beaucoup, hein, mais. Je dis pas comme toi. Bah, un peu moins. La meilleure école pour apprendre le véritable argot, pas l'argot que les jeunes parlent aujourd'hui, c'est de regarder tous les films avec les dialogues de Michel Audiard. Ah oui, non, mais c'est clair. Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est le véritable argot, parce que moi, je pensais à Renault. Ce que tu disais. Non, je parlais l'argot bien de l'argot. Winch, mais toi aussi. Oh là là. Ça démarre pas. Eh bah, tiens, dis donc, allez, salut nos amis RQCiens, RQCiennes en argot, tu dirais comment? Ah tiens, wow, c'est chaud. Allez, vas-y, comment tu dirais? Bah non, écoute, est-ce qu'il y aurait une formule ou même un mot dédié? Ouais. J'en sais rien. Tiens, je vais réfléchir. Tu vois. Là, alors là, c'est pas piquer des verres, mais. C'est pas piquer des verres, ouais. Non, ah, mais ça, c'est pas piquer des non, mais c'est pas, de l'argot, hein. C'est pas de l'argot. Hein. Non. Ça, c'est un peu. Il y a le verlan après, hein. Et il y a le verlan aussi. Mm. Ouais. Bah écoute, on va se contenter de parler normalement et de souhaiter le bonsoir à tous nos amis RQCiens, RQCiennes qui nous écoutent, en sachant qu'il y en a de plus en plus qui nous écoutent. Et ouais, à quelques millions près, il y en a beaucoup qui nous écoutent. Non, mais blague à part, si, quand même. Donc on va faire un tour de table. Alors, exceptionnellement, on va présenter Véro, qui est avec nous. Bonsoir Véro. Bonsoir. Ah voilà, oui, bonsoir, ton micro n'était pas branché. Bah oui, bonsoir Véro. Alors Véro, c'est notre maman à nous. Oui. C'est notre maman à nous, c'est elle qui nous bichonne, c'est elle qui nous savonne, c'est elle qui qui nous apprête avant de venir dans l'émission. Alors vous l'entendez pas souvent parce qu'effectivement c'est notre femme de l'ombre et dommage qu'elle soit dans l'ombre là de si beaux yeux. Bah oui. Voilà, bon, donc en parlant de beaux yeux, nous sommes aussi avec Flipkat. Oui, bonsoir à tous. Alors là, tu vas nous faire bonsoir la France, bonsoir le monde. Non, du tout. Voilà, bonsoir à tous. Ouais, alors toi, Flipkat, une chronique ce soir. Oui. Voilà, donc sur un chanteur qui revient, apparemment. Alors qui reviendrait, mais pour l'instant, justement, j'ai essayé de creuser un petit peu. J'ai pas eu vraiment de... On en parle depuis... C'était déjà annoncé pour 2016, effectivement. Ouais. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé plus d'infos. Et tu vas nous parler de... Mais bon, moi, je dirais que ça pourrait être plausible. Ah, c'est possible. Alors, il faut que je dise de qui je vais parler. Bah oui, il devrait faire. Phil Collins. Mmh. J'avais fait dans mes premières chroniques il y a bien plus d'un an de ça, Genesis, hein, j'en ai six. Oui. Genesis, pardon. Oui. Et bah, donc on va parler de Collins. Avec la petite blague là qui vient de passer. C'était quoi? Ah, j'en ai six. Ah. Ah oui, en français. Ah, n'importe quoi. Et bah, voilà. Oh là. Il a relevé. Bon, bah ouais. En parlant de bonnes blagues, on va accueillir aussi Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, évidemment, bah, toi, tu vas nous parler de cinéma, et exclusivement de cinéma, avec le Rétro Ciné 80. Déjà. C'est ça, ouais. Rétro Ciné 80, alors je vais regarder parce que je t'avouerai que... Je crois que c'est dans les années 80. Oui. Ouais. Alors, c'est de l'année... alors, 1990 en France, mais 89 aux États-Unis. D'accord, ok. Mais attention, hein, normalement, c'est en France, hein. Ah mais ouais, ceci dit, 90, ça reste les années 80 pour moi. Ah oui, c'est ça. Fin des années 80. Voilà. C'est ça. Et puis, évidemment, les sorties cinoches. Et les sorties ciné de la semaine. Il n'y a pas grand-chose, là, je crois. Je pense que... Ouais, on aura bientôt des films de Noël, non? Pas encore. Non, même pas encore. Ok. Pas encore, okay. Mais bon, ça va pas tarder. Ouais. C'est vrai que les films de Noël, à mon avis... On devrait en avoir quelques-uns, je pense. Eh ben écoute, ça marche. Et puis, on reviendra sur l'actualité de ce week-end. Flipkat, ce week-end? Oui. Enfin, Non, pas perso, on s'en fout ce que t'as fait, mais plutôt si t'as fait un concert ou... Oui, mais non, mais justement, oui. Ah, bah justement, tu nous parles. Oui. T'étais voir qui? Oh, je suis allé loin, hein. Je suis allé au-dessus de Vormouth. Ouais. Et je suis allé voir donc un groupe qui s'appelle Yancy Pornic Casino. Oula! C'est tout un programme. Oui. C'est un chanteur. C'est du rock aussi? C'est rockabilly, garage, rock'n'roll. Le chanteur est américain, le batteur berlinois et le bassiste qui joue sur une balalaïka. Ouais. C'est une basse triangulaire là. Je sais pas si tu vois, c'est russe. C'est une quoi? Balalaïka. Et c'est quoi? C'est une basse avec trois cordes. Ah ouais. D'accord. Et lui, il est d'origine russe, donc ouais, ça fait un bon petit cocktail. Ah bah tu nous en parleras. N'oublie pas. Tu le notes sur tes tablettes. Sherlock, qu'est-ce que ça fait de beau ce week-end? Bah, pas grand chose en fait. D'accord. J'ai pas beaucoup bougé. C'est vrai? Ouais. T'as été aux toilettes quand même? Ouais, encore pas tant que ça. Bah, tu nous même raconteras. Même s'il y a une épidémie de gastro qui tourne. Tu nous raconteras. J'allais dire merde, mais c'est qu'à de lire. Ouais, carrément. Alors moi, je vous parlerai aussi de ce week-end, puisque j'ai vécu un week-end sous le signe du charme, puisque j'étais avec les Miss Waterloo. Oui, et ouais, exact. Je crois que tu avais été au salon de l'érotisme. Non, du charme, pas de l'érotisme. Non, là, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et je pourrais vous parler donc des gagnantes, donc de Miss Waterloo 2018 et de ses dauphines. Et puis aussi une découverte. Alors ça va vous faire sourire. Je sais que ça va faire sourire Flipkat, mais j'ai découvert Johnny Mirador. Johnny Mirador. Il est pas tombé du Mirador, lui. Non, à la Libération, vraiment, non. Pas vraiment, mais Johnny Mirador, qui est un sosie vocal de Johnny. Qu'on salue d'ailleurs au passage. Oui, on salue Johnny au passage. Un petit coucou. On fait un petit coucou à Johnny. Non, et sérieusement, et je vous en parlerai parce que ça a été quand même une agréable surprise. Vraiment. Vraiment, je m'attendais à autre chose. Je vous en parlerai. Je vous parlerai aussi de Michael, qui est un magicien, aussi hors pair. Avec son assistante qu'on a déjà reçue, qui est Daphné. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, mais je vais faire appel à votre mémoire, mais je vous en parlerai dans le courant de l'émission. Voilà. D'accord. Et on va les recevoir, ces gens-là ? On pourrait, mais c'est de la magie, donc ce n'est pas très visuel. Quoi. Ouais. Enfin, c'est pas vrai. Très radiophonique, je veux dire. C'est vrai. Ça va être un peu compliqué. Visuel, mais pas très quoique moi, j'ai entendu un truc. C'est un mentaliste qui fait des tours. Notamment sur YouTube. Ouais. Et je regarde quelquefois ses vidéos. Et il a fait un tour où je pense que ça peut même passer à la radio. Bah tu fais bien d'en parler parce que mais c'est un mentaliste. Il y aura un invité. Oui, je pense savoir. En fait, on aura Canon Micro qui va parler. Et il va nous le faire disparaître, on ne voit plus longtemps. C'est ça ? Non, j'ai pas dit que c'était un magicien, j'ai dit que c'était un mentaliste. Eh bien, je connais quelqu'un qui n'est pas tout à fait mentaliste, mais qui s'en approche et qui fait ce genre de choses et qui sera avec nous le 19 décembre. Mais je vous en dis pas plus, d'accord. Je vous le dirai tout à l'heure. Et là, il va falloir être au rendez-vous et je vais même inviter d'autres personnes à venir dans le studio parce que cette personne est vraiment exceptionnelle. Ah oui. Il fait un spectacle dont le titre c'est Homéostasia, si ma mémoire est bonne. Mais je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et là vraiment gardez noté sur vos tablettes le 19 décembre, le mardi 19 décembre, il va y avoir quand même à mon avis des événements dans le studio assez sympas, je peux vous le garantir. D'accord, bah ça marche. Petite coupure musicale. Voilà, bah c'est ce que j'allais te proposer. Une petite coupure musicale alors avec Michel Berger, avec Mademoiselle Cheng. Car c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa naissance. Ah d'accord, il aurait eu quel âge? Il aurait eu 70 ans. Ah ouais, j'allais dire 70 justement. 70 ans. Incroyable. T'imagines Michel Berger qui vieillit et qu'il est 70 ans aujourd'hui, ça aurait été étrange. Hein. Ouais. C'est comme hier, c'était l'anniversaire de la mémé du rock, Tina Turner. Et tu sais quel âge elle a? On en avait parlé la fois dernière. Au moins 80 maintenant. 80 Non, 78. On était pas loin la fois dernière, d'accord. 78. Elle les porte bien. Et aujourd'hui, malheureusement, c'était l'enterrement donc de Malcolm Young, donc le bassiste. Donc, quand il a été rapatrié, le bassiste de AC/DC. Et aujourd'hui, c'est également, c'est l'anniversaire de la mort de Fred Chichin, des Rita Mitsuko. Ah, aussi. Qui est décédé en 2007. Déjà. Donc, on mettra C'est comme ça. Ah, bah ouais, c'est très bien. Voilà. Non, allez. C'est comme ça. C'est parti. Partout.

Salut, c'est Sarah Le Thor. Un gros bisou à toute l'équipe d'RQC à 80 à l'heure. Plein de bisous. Sherlock, tu veux faire plaisir? Oui, vas-y. Pendant la coupure musicale, tu passeras, tiens, le titre. Ah ouais, pas de problème. No Limit, ben ouais, oui, okay. Même avec le jingle, puisqu'il est entier, je pense, hein, non? Oui, oui, il est entier. Il est entier, No Limit, de Sarah Le Thor, de son dernier album. Moi, j'adore, je suis fan, forcément. Ben, vous aussi, vous adorez, bien évidemment. Sarah Le Thor, qui tourne vraiment très, très bien, et qu'on voit un peu partout. Si vous voulez plus d'infos, vous allez sur son site internet, hein, vous tapez J'espère Sarah qu'elle passera nous voir quand même, un de ces quatre. Hein. Ah, mais de toute façon, sincèrement, elle ne peut pas refuser. Hein. Elle nous l'a dit, on a dit, mais moi, quand je suis dans le coin, il n'y a pas de souci. Bon, elle est quand même de Bruxelles, donc elle redescendra pas forcément de Bruxelles, mais s'il est dans le coin, avec plaisir, elle acceptera de nous accorder donc une interview. Évidemment, Sarah Le Thor. C'est parce que moi je sais, je te vois dans le studio. Ah, pardon. Donc ça va, mais ceux qui t'écoutent, à mon avis, doivent dire... Oh là là, quel rire de pervers. Ah, peut-être. Et ils ont invité des escorts. C'est ça, mais ouais. Mais non, c'est parce que j'aime beaucoup... non, sérieux, j'aime la chanteuse, et j'aime ce qu'elle fait musicalement, et ce qu'elle fait physiquement aussi, voilà. Ah, c'est une jolie fille. Hein. Ah ouais, complètement. D'ailleurs, je salue Hervé au passage. Ouais, c'est son homme. Donc voilà. Bah, en parlant de charme, justement, et de belles femmes... Est-ce que vous voulez le résultat de Miss Waterloo 2018? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler. Qui a été élue Miss Waterloo 2018? Alors, moi, je l'ai lu sur Facebook. Donc, ouais, d'accord. Voilà. Si je demande à Flipkart, il va me dire... C'est une blonde. C'est une blonde. Ouais, j'ai juste lu le prénom après. Ouais, je ne vais pas te donner le nom parce que... Ah si, je pourrais te donner le nom. Alors, c'est Kelly Bentayne. Voilà, Bentayne. Alors, Kelly Bentayne, alors ça faisait... 3 ans qu'elle se présentait, elle y mettait du cœur pour des raisons personnelles. Voilà, elle a voulu se représenter cette année. Et je vous cacherai pas qu'effectivement, elle a vraiment brillé de sa présence. Je pense que c'est aussi la maturité qui a fait. Que, ouais, je pense. Ouais. Voilà, un joli brin de fille évidemment. De toute façon, toutes les candidates à Miss Waterloo sont quasi toutes jolies, vraiment. Après, ce qui fait la différence, c'est l'élocution, c'est plein de choses. Et j'ai essayé parce qu'en fait, mon rôle dans la présentation, donc je salue au passage mon ami Denis, mon rôle dans la présentation donc des candidates à l'élection de Miss Waterloo, c'était un peu de déstabiliser avec mes questions. Donc c'est-à-dire que Denis avait des questions, elle les connaissait à l'avance, donc elle avait pu préparer les réponses, et moi je m'étais fait le plaisir de préparer des questions qu'elle ne connaissait pas à l'avance. Donc il y en a eu quelques-unes qui étaient un peu vaches, j'avoue, un peu vaches. Du style, vas-y. Ah bah forcément, mais celle-là elle est revenue. Alors j'ai pas pu m'empêcher de le faire autrement, mais quand on dit ce que je n'aime ou ce que je n'aime pas, il y a une des candidates qui a dit moi je déteste le mensonge. Et moi j'ai dit mais le fait de nous dire que tu détestes le mensonge, n'est-ce pas un mensonge? T'imagines la tête? Non. Elle était un peu déstabilisée. Mais après non, il y a eu des après c'était quand même bon enfant, et elle en l'occurrence je savais que elle parlait extrêmement bien anglais. Voilà, et du coup je lui ai tout simplement dit voilà, j'aimerais que tu me dises en anglais je suis tellement heureuse d'être avec vous ce soir à Waterloo, et elle a répondu en anglais, voilà, un anglais parfait. Il y a pas à dire, je crois qu'elle parle même mieux anglais que français d'ailleurs. Mais non, sérieux, un anglais parfait, je la taquine, hein, mais et donc c'est Kelly qui a été élue, et ensuite respectivement donc première dauphine et deuxième dauphine, il y avait Gwendoline. Est-ce que vous vous rappelez de Gwendoline? Ça dit quelque chose, Gwendoline, effectivement. Alors, Gwendoline fait du, ce qu'on appelle, alors, ça va parler, à mon avis, à Flipkart, alors, du bootcamp. Ah oui, d'accord. Non. Je ne sais pas ce que c'est que du bootcamp. Le bootcamp, c'est quand, c'est les trucs de l'armée, c'est les, ça, absolument, les parcours, ouais, du combattant, les trucs c'est comme des, ça. Les parcours du combattant où il s'allonge dans la boue, il passe sous des rondins, il saute des murs, voilà. Je pensais que tu me demandais par la personne. Ah oui, tu te rappelles pas. Ah, mais Gwendoline, je te montre la photo, tu vas me dire, mais oui, bien sûr. On l'avait appelée la petite gendarmette. Quand elle était venue ici, petite, très calme, très douce. Et en réalité, l'an dernier, elle veut devenir gendarme, travailler pour tout ce qui est la crime, enfin, des oui, choses oui, comme oui, ça, souviens, la police criminelle et ce genre de choses. Et à mon avis, elle va y arriver. Mais physiquement, alors, on ne s'imagine pas ça du tout, carrément pas. Donc c'est Gwendoline. Et ensuite, il y a Charlotte. Charlotte, alors rappelez-vous, Charlotte a un petit air à la Rousseau. Je dis ça parce qu'elle est rousse, hein, mais Auburn, ouais, un peu Auburn. On dirait une petite poupée. Pareil. Alors c'est vrai que cette année, ça a été un peu compliqué pour le jury parce qu'elles étaient toutes vraiment aussi sympathiques les unes que les autres. Je parle aussi physique qu'au niveau élocution. Et là, je pense que ça s'est joué à très peu avec certaines candidates. Mais en tout cas, cette année, donc Miss Waterloo, donc 2018, donc c'est Kelly. Et puis, bah, on sera un plaisir de la recevoir, évidemment. Ah, bien sûr. Ah bah oui. Voilà. Donc, Kelly et ses deux dauphines, recevra, j'espère. Ah, bien sûr, et les deux dauphines. Les deux dauphines. Donc voilà, pour Miss Waterloo. Okay. Je voulais rajouter, effectivement, tout à l'heure, je vous parlais de Johnny Mirador. Oui. Donc effectivement, le principe de Miss Waterloo, c'est l'élection, bien évidemment. Et il y a un spectacle qui ponctue l'élection. Et là, en l'occurrence, il y avait Johnny Mirador. Alors, quand j'ai entendu ça, déjà, j'ai dit, ouais, d'accord, ok, un sosie de Johnny, il en pleut, en veux-tu, en voilà, ça c'est clair. Et puis, je vous cache pas, quand j'ai vu arriver, bon, il y a le petit air à Johnny, avec les cheveux à l'arrière, un petit peu mal rasé, et puis le blouson en cuir, les jambes barquées, enfin bref, ouais. Le Johnny de quartier, quoi, enfin bref. Oui, salut. Non, pas du tout, mais absolument pas, absolument pas. Il se la joue pas la Johnny, et je peux vous assurer, et sincèrement, en étant critique, quand il est monté sur scène, qui a commencé à chanter, là je me suis dit, ah ouais, quand même, il envoie du lourd, mais vraiment, vraiment. Alors il a chanté des chansons comme Allumer le feu, bien sûr, Gabriel. Pas le fou, hein, non. Allumer le feu. Il a chanté Laura de mémoire, et puis après d'autres chansons un peu moins connues. Il a chanté aussi Longue Vie, je pense, de mémoire. Mais après, les chansons sont vraiment. Alors, il y avait du Johnny, mais il chante bien, le gars. Et franchement, chapeau bas l'artiste. Johnny Mirador est un bon sosie. Il réinterprète aussi un petit peu à sa façon, mais il assure pas mal. Et on a eu aussi donc le magicien Michael, qui était accompagné donc de son assistante Daphné. Et Daphné qui était aussi, chose, mais oui, candidate à l'élection de Miss Waterloo il y a quelques années, et Daphné a aussi également avec son homme eu une émission ici sur RQC. Et oui, il y a quelques années. D'accord. Voilà, donc ils étaient disques jockeys, et elle est assistante du magicien, et ils ont aussi fait leur effet, honnêtement, un beau spectacle de magie. Alors on n'aime pas toujours pareil, hein, mais avec un numéro de lévitation, et alors là, allez comprendre le truc, je sais pas comment elle fait, mais il y a un moment, elle se retrouve vraiment à 50 cm du sol, mais droite. Et il se passe rien en dessous, et voilà, franchement, là, pour le coup, moi, en ayant été dans les coulisses, je me suis dit, il y a un truc, forcément, mais je sais pas où il est. Et est-ce qu'il a réussi à la faire disparaître? Parce que ça, c'est le rêve de tous les hommes, en fait, c'est de faire disparaître sa femme. Mais c'est pas sa femme. Femme. C'est peut-être pour ça qu'il a gardé. Non, par contre, son homme aurait peut-être bien voulu que lui la fasse disparaître, tu vois. Peut-être. Mais ceci dit, voilà, donc, très très belle soirée, un peu longue. Comme beaucoup de soirées de Miss, mais souvent c'est très long. Mais là, pour le coup, ça l'était un peu moins parce que c'était très très divertissant. Il y avait vraiment de l'ambiance. Il y avait également donc Miss Lune qui était là, Ilona, je salue au passage, qui a fait l'honneur de sa présence. Il y avait Miss Hasbrook aussi également et les organisateurs qui étaient là. Il y avait Miss Rondissima avec Océane hein, qu'on a reçu aussi également là. Donc il y avait du beau monde avec dans le jury aussi également des adjoints à la mairie, puis des gens que vous connaissez. Hein, puisqu'il y a eu il y avait Patrick des Didis qui était là qu'on a reçu également dans le jury et puis plein d'autres, j'en oublie certainement au passage, mais en tout cas très belle soirée. Moi j'ai pas vu le temps passer, sincèrement. Et monsieur le maire était là, bien sûr. Dominique Barre toujours était présent. Là bien sûr il était là, et je pense qu'il a aussi également donc enfin bref, il était là. Donc voilà pour ce week-end. Okay. 4, oui, c'est bien. Tu nous as parlé d'un concert. Ouais. Je voudrais en savoir un peu plus. Je suis allé voir un groupe qui s'appelle donc Yancy Pornic Casino. Oh, alors vas-y, comment tu dis? Yancy, c'est J-A-N-C-2-E, ah ouais. Pornic, P-O-R-N-I-C-K, ouais. Et Casino. Voilà. Et ça veut dire quoi? C'est un nom, comme ah, ça. D'accord. Non, il n'y a pas de signification particulière. Et donc, tu disais que le style de musique, c'était C'est un mélange de rock'n'roll, rockabilly, garage. Et alors, c'est quoi, garage Garage, c'est un peu... c'est ce qu'on dirait un petit peu... avant. C'est du post-punk, en fait. Ah bah, ça m'avance, tiens. Je peux pas me t'expliquer, c'est... C'est du rock, mais que tu joues dans le garage, en fait. C'est ça. Mais après les punks... Hein. Non, mais c'est ça. Alors, moi, ce que je comprends par garage, c'est plus... des roots. Groupes, des, ouais, un peu des groupes rock. C'est plus l'ambiance répétition, plus en fait. L'ambiance répétition où ils se donnent, enfin ils se donnent à fond. S'ils font des pains, c'est pas grave, ils continuent. Moi, c'est comme ça que je l'entends, le garage. Ouais. En fait, le garage, c'était beaucoup à une époque donnée aussi des groupes qui n'étaient pas connus. Ouais. Hein, déjà, pour commencer, et puis qui n'avaient pas forcément musicalement un niveau, c'était acceptable, on va dire. Donc, ouais, on pourrait dire que c'est plus ambiance répète entre potes, quoi, voilà. D'accord. Mais c'est volontaire. Pardon ? C'est volontaire. Bah, je sais que par exemple Metallica a fait un album Garage. Hein, ou, Ouais, puis Garage, il y a un côté un peu plus. Je ne vais pas dire trash, mais. Tu disais route, c'est pas route, c'est. Non, je sais pas. En fait, on part plus sur du rock'n'roll déjanté, un peu avant ce que. Même Jake Cramps, quelque part, a exploré ce style-là aussi. Ouais. Je connais pas Cramps. Les Cramps, ouais. Si, il en a parlé, il a fait une chronique dessus. Ah ouais, d'accord. Si, c'est un peu. Ouais, ça gravite autour de l'univers psychobilly, c'est psychédélique. Mais contre les Cramps, t'as Camel. Je l'attendais. Voilà. Donc j'ai vu ce groupe-là. C'était dans. Mais c'est que des compos où ils font des reprises. Non, des reprises, des compos. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que bon, bah, même par exemple, il nous a gratifié. Et pour les fois présentes, on n'avait pas le droit à ce morceau de Ace of Spades, Motorhead, mais à leur façon, quoi. Ouais. Hein, ah, donc ça, il serait. Ouais, I Will Survive de Gloria Gaynor, mais de façon rock'n'roll. Ah, ça peut être sympa ça. Ouais, voilà, donc, et ça passe hyper bien, quoi. Là, tu m'étonnes. Cela dit, il y a des compos où, effectivement, avec des riffs de guitare, on se dit, tiens, il va nous jouer à entendre l'intro, mais non, pas du tout. Ça, après, c'est sa compo. Ah, ils font des feintes et. Ouais, c'est, ça passe très bien. Ça, c'est déjanté. Le mec, par contre, dit qu'il est monté sur pile Duracell, ce qui n'arrête pas, quoi. Ah, moi, j'avais entendu une version d'I Will Survive qui était chantée par un groupe. Qui était plus pop rock à la base, c'était Cake, le nom du groupe. Ouais. Mais par contre, ils l'avaient chanté complètement. On aurait dit qu'ils avaient complètement fumé un joint, quoi. D'accord. C'était. Cake, à mon avis, ouais. Ah ouais, non, mais ils étaient complètement perchés. Hein. Ouais, Moulin, c'est ça, ouais, Moulin. Peut-être. Moulin Cake. Oh là, ouais, d'accord. Ah, donc voilà, écoute. N'importe quoi. Ça y est, parti. Mais je remplace Canon, hein, j'y peux rien. Il n'est pas là, donc forcément, évidemment, je le remplace. Et donc, c'était très sympa. C'était dans une petite estaminée. Je recommence si un jour les gens entendent. Parce qu'apparemment, c'est régulièrement tous les week-ends qu'il y a des tributes sur tous les styles de groupe de ce début. Mais c'est un estaminet. C'est donc le Dringuin. Le Dringuin ou le Dringuin, je ne sais pas comment on dit. Ah oui, et puis c'est flamand. Donc c'est au-dessus de Wormhout. Non, on n'est pas en Flandre là. On est, avec un nom pareil, c'est les Flandres, non, Wormhout. On est à la limite. Hein. Ah ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Rappelle-nous le nom du groupe. Ah, le groupe qui avait joué là, c'était Yancy Pornic Casino. Donc alors vous allez. Moi, je dirais qu'à la limite. Casino et. Non, mais sérieux, s'ils sont dans le secteur, à ce moment-là, je pourrais demander s'ils ne pourraient pas. Puisque bon, je vais essayer de les faire venir dans les endroits que je fréquente habituellement. Hein, s'ils sont tournés, parce qu'ils habitent à Berlin. Ouais. Mais il y a de quoi faire des concerts au Minoy. Au Minoy. Ça, je ne sais pas. J'ai pas encore exploré. En fait, si tu veux le faire venir, les endroits où tu vas. Ouais, non, c'est deux activités différentes, ça. C'est quand je ne vais pas en concert au Minoy. Hein. Ah, ouais, d'accord, voilà. Okay, autant pour moi. Eh bien, écoute, merci. Et d'ailleurs, on ne voit plus. On ne voit plus dans les soirées. Si, c'est parce que je suis de dos. Ah, bravo. Et il est tôt. Non, mais il n'y a pas de mal à élargir le cercle de ses amis. Bien sûr, je te prends au mot, c'est ça. Et là, je t'ai tendu la perche. Hein. Tu m'étonnes. Bon, allez. Bon, une petite coupure musicale après ces bons mots. Bah oui, c'est. Et bien, écoute, par un c'est hommage. Beau mot. Oui, après. Après ces bons mots. Oui. Oui. Alors, hommage au. Homo encore ? Non, hommage. Non. Hommage au Miss Waterloo avec Daniel Balavoine et les petits lolos. Bah, détrompe-toi. J'imagine. Hein. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une femme ? Ah, moi, c'est son portefeuille. Ah, bah là, pour le coup, il devait ça pas avoir son portefeuille sur elle. Et donc, ensuite, on reviendra avec Eddie Mitchell et Couleur Mentalo. Ah, c'est beau ça. Allez, c'est parti. si fine. Comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle posait, juste pour un bout d'essai, à la Century Fox. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo. Cherche du regard un spot de Dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus. Bien sûr elle ne m'a pas vu. Perdu dans sa mégalo. Moi j'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie. Frôlant le flipper, la chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentalo, Hollywood dans sa tête. Son entrée dans un studio, décor couleur mentalo, perdu dans sa mégalo. Moi je suis de trop. Et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. Soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir. Et moi je n'en pouvais plus. Elle n'en a jamais rien su. Ma plus jolie des mythos, couleur mentalo. Bonjour, c'est Sabine Pâturet et vous êtes sur RQC et c'est 80 à l'heure. j'adore. Je pensais que t'allais chanter. Non, mais j'adore Sabine Paturel, évidemment, qui a été aussi quand même une chanteuse dans les années 80 qui s'est fait connaître pour des chansons, sur lesquelles elle ne touche rien. C'est vrai. Et d'ailleurs, elle, quand on lui parle des bêtises, ça ne l'attend pas plus que ça. Mais ceci dit, elle a quand même une belle carrière au théâtre. Elle a fait La Mégère apprivoisée avec Francis Perrin. Oui. Et qui a très très bien. Elle a eu un Molière pour ça. Exactement. Et ça, les gens l'ont oublié ou ne le savent pas, mais elle est avant tout une grosse comédienne. Une grande comédienne. Elle a joué aussi dans des films Prends-t-on passe montagne, on va à la plage, je crois. Oui. Elle a oublié, je crois même d'ailleurs. Oui, c'est vrai, absolument. Tiens, dis donc, en parlant d'artistes années 80, alors, il va y avoir donc le numéro 2 de Star 80. Il sort le 6 décembre. Le 6 décembre. Et t'en penses quoi? Je ne l'ai pas vu encore. J'avais possibilité de le voir hier en avant-première et j'ai pas pu me libérer pour aller le voir. C'était un peu compliqué avec mon boulot pour me libérer. Et tu crois que ça valait la peine de te libérer pour aller voir Star 80, le retour? Bah, au moins pour en parler vraiment. Ouais. Bah, écoute, moi sincèrement, je suis pas fan du tout. Je vois la bande-annonce, on a l'impression de voir les bronzés font du ski. On refait la même chose et puis là on le fait à la montagne quoi. Enfin, en gros ça fait un peu penser à ça. La bande annonce me fait pas rire du tout, je sais pas pour vous, mais vous l'avez vu ou pas? Oui, je l'ai vu il y a quelques temps et alors il y a eu une sacrée polémique dessus avec Jean-Luc Lahaye, hein. C'est ça. Avec Jean-Luc Lahaye, les dernières paroles qui font en fait je pense que à la fin de la bande annonce je crois que c'est t'as invité des gens, je crois, et il dit non, je peux pas, ma femme elle est pas encore majeure ou je sais pas quoi. Ah, c'est vrai, il a fait de l'humour comme ça, tu m'étonnes que ça passe pas bien. Il a fait de l'humour comme ça, alors je me suis dit pourquoi ils ont fait ça dans le film. Ouais. Parce que, à la rigueur, que les gens fassent de l'humour sur lui, je peux comprendre, mais que lui en plus s'en amuse alors qu'il a été condamné et tout ça. Ah, je sais pas s'il a été condamné, il a pas été condamné. Non, mais je comprends ce que je veux dire, c'est qu'il a mieux fait de. Il est pas en position de la ramener, quoi. C'est l'humour mal placé. C'est ça. Mais disons que c'est dans les dialogues. C'est dans les dialogues, c'est pas de sa faute. Il était capable. Enfin, il pouvait dire non aussi. J'allais dire, il y a un droit de regard quand même. En voyant ça, il aurait pu dire non, je vais pas le dire parce que c'est malvenu de ma part de dire un truc comme ça. Ouais, peut-être. Mais je vois pas cette phrase, mais je pense qu'elle était coupée finalement, non? Je sais pas, mais dans la bande-annonce, elle termine la bande-annonce, quoi. Écoute. Ça met un peu mal à l'aise, en fait, quand même. Ouais, c'est malvenu. C'est un peu malaisant. Ouais. D'autant plus qu'il y a aussi une deuxième polémique avec Olivier Kiefer et le producteur, puisque Olivier Kiefer, aujourd'hui, attaque en justice le producteur du film Star 80, puisqu'il a perdu tous les droits quasiment, visiblement. Thomas Langman, c'est ça? C'est ça. Il a perdu tous les droits, puisque c'est quand même lui qui est à l'initiative, lui et Hugues Gentelet, qui sont à l'initiative donc du concert. Alors rappelez-vous, à l'époque, c'était RFM Party 80, qui est devenu après Star 80. Ouais. Et visiblement, ça a été. Ils auraient racheté. C'est Landman qui justement a racheté les droits, mais pas suffisamment, et que Olivier Kiefer, maintenant, allez, dégage. Et pire dans tout ça, c'est ce qu'il expliquait, j'ai entendu dans un reportage, il expliquait que il était tourné en dérision dans le film. Ah ouais, d'accord. Oui, parce qu'il y a un moment, apparemment, dans le numéro 2, il y a une histoire de redressement judiciaire, presque limite dépôt de bilan, puisqu'ils n'ont plus d'argent, ou ce genre de choses. Or, j'ai envie de dire, c'est pas une biographie, entre nous, Star 80, ça n'a rien à voir avec l'histoire vraie. Oui, non, c'est clair, c'est romancé. C'est débile même, c'est vraiment débile. Quand on voit que le début de soirée tient un kebab, n'importe quoi. Non, ils le tiennent même pas, ils bossent, ils sont employés dans un kebab. Et visiblement, dans le deuxième, Sabrina est devenue bonne sœur, c'est n'importe quoi. Oui. Voilà, c'est n'importe quoi. Et puis après, Lio, elle danse à la version Flashdance. Ça m'essouffle en fait. Je sais pas Lio, pourquoi. C'est juste moi, mais Lio, je peux pas. Ah, mais moi non plus. Moi non plus. Et d'ailleurs, j'étais même étonné de voir un concert et voir à trois sur la photo en s'éclatant Sabine Paturel, Lio, et je sais plus la troisième, mais là, j'étais un peu étonné. Caroline Loeb. Ouais, et j'étais un peu étonné. Ouais. J'étais un peu. Tu as vu la photo ou pas? Non, j'ai pas vu la photo, mais j'en ai entendu parler. Et là, je me suis dit, bah tiens, dis donc. Eh bah, on nous avait dit, tiens, moi j'aime pas tel un tel ou un bah, tel, ouais. Et puis on les retrouve à trois. Après, bon, je pense que c'est le show business qui veut ça, hein, mais moi, on verra jamais, jamais à côté de Laetitia Casta, quoi. Ouais. Bah non, je passe. Bon, je sais pas. Bon, après, Laetitia Casta, elle est peut-être très gentille. Hein. Moi, après, c'est physiquement où je la trouve pas. Enfin, les gens la trouvent super belle. Moi, c'est pas mon type de femme. Quand même, délicate. Ouais. Laetitia Casta. Oh, je trouve que c'est une belle nana. Ah, bah oui, quand même, elle est plantureuse. C'est comme Julia Roberts. Ah, ouais. Il y en a plein qui disent ouais, elle est super belle et tout ça. Moi, je la trouve. Elle est mignonne, mais je la trouve pas super belle. C'est quoi ton genre alors? Catherine Zeta-Jones, par exemple. Ah, oui. Oui, bah oui, ça se défend. Mmh. Ouais, ouais. Après Megan Fox. Oui. Ouais, je vois moins qui c'est. Celle qui a joué dans les deux premiers Transformers, par exemple. Ah ouais, non, mais j'ai pas regardé. Ouais, ouais, forcément, okay. Toi, t'es pas dans ce non. style-là. Après, je sais pas. Liv Tyler ou Alicia Silverstone, tu vois. Je vois pas qui c'est. C'est celle qui jouait dans les clips d'Aerosmith, Crying. Ah ouais, Crying, Crazy, Amazing. Je préfère Liv. Ouais, aussi. Ah, ouais, bah oui, ouais, bah, oui ouais, moi aussi. Bah, ouais, là, carrément, ouais. Quand on voit son père. Ou Tia Carrère, qui jouait dans aussi. Wayne's World, notamment, oui, oui. Ou oui, qui faisait Sidney Fox. Ouais, c'est ça. Et ça. Oui. Chapiteau. Et bah, en fait, dans ce qu'il vient de citer, il y a des goûts assez similaires, en fait. C'est vrai. Toi, alors, ouais. Est-ce que t'en rajouterais une autre ou pas? De ce qu'il a cité, grosso modo, ça refait, c'est assez... Ouais. Et quand on voit ma femme, on se rend compte tout de suite que... Il y a un mélange de tout. C'est ça, ouais. Sauf que ça a été secoué. Quel enfoiré. Elle a l'œil gauche de Julia Roberts, l'œil droit de... Oh, elle nous écoute, la pauvre. Si elle nous écoute, elle va m'en vouloir, on dit que des conneries. Non, je crois pas qu'elle écoute, mais je lui ferai écouter le podcast. Il y a pas de souci, je te salue, Charlequette. Et ah ouais. Moi, c'est mon péché mignon à moi. Vous allez rire, mais c'est Christina Ricci. Il n'y a rien à faire. Elle a quelque chose, moi, qui m'attire chez elle. Mais, dans la famille Adams. Partout. Enfin, oui. Bah. Non, mais je veux dire, dans n'importe quel film, quoi. Christina Ricci, pour moi, elle a toujours. Je sais pas, j'ai toujours aimé. D'accord. Son genre. Qui n'est pas forcément physiquement une très belle femme. Il y a des moments où elle fait le yo-yo. Elle n'est pas. Voilà, moi, c'est Christina Ricci. Moi, c'est son jeu dans la famille Adams, en fait, que j'ai adoré. Son jeu d'actrice. Bon, mais t'es gamine à l'époque quand même. Ouais, mais enfin, je l'ai Jean-Luc trouvé. Jean-Luc Lahaye. Mais non, mais je l'ai trouvé excellente. Bon, c'était en 91, 93. Voilà, il était pas majeur. Hein. Non, du tout. Mais je l'ai adoré dans cet humour noir, en fait. Et puis, c'était Barry Sonnenfeld aussi, celui qui a fait les Men in Black par la suite. Bien sûr. Je l'ai trouvé excellente. Le film en lui-même, même Raoul Julia qui jouait le rôle de Gomez, c'est vrai. Qui a fait par la suite son dernier film à l'écran, c'était Mortal Street Kombat. Fighter. Ah, Street Fighter. Ouais, Street Fighter. Quelle horreur. Qui a été une daube intersidérale. Il en est mort d'ailleurs. Pour le gamer que je suis. Il en est mort. Ouais, je pense que c'est ça qui l'a achevé en fait. Ouais. Mais même lui, je l'ai trouvé excellent. Je suis fan de ces films-là. C'est vrai, mais il n'y en a pas fait beaucoup, hein, Raoul Julia. Non. Mais voilà. Et tiens, on pose des questions notre genre féminin. On pourrait peut-être poser la question du genre masculin, puisqu'on a Véro avec nous. Ah oui. Alors Véro. Alors. Parle pas de moi, hein, mais on parle vraiment de comédiens. Ah, les comédiens ou les chanteurs. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Moi, quand j'étais jeune, c'était Alain Chamfort. Ah ouais, ouais, ouais. Enfin, maintenant, il a l'âge de ses artères quand même. Ouais, mais il est plus beau, de toute façon. J'aime plus. Après. Après Rock Voisine. Ah ouais. Ah, ma mère est fan de Rock Voisine. Mais il paraît qu'il y a de la jaquette en Rock Voisine. Non. Ah, signe Rock Voisine, excuse-moi déjà. Après, j'aimais bien Joe Dassin. Ah ouais, ouais, ouais. Joe Dassin. Qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Tu parles bien de physique pour l'instant. Oui, hein. Physique. Bah oui, hein. Oui, pas que tu penses non, à mais, quoi. Mike Brandt mais, alors peut-être. Comme pour l'instant, là, ce sont des chanteurs que tu as cités, je veux dire. Ouais, c'est tous les. Les comédiens par exemple. Alain Delon. Ah, Alain Delon. Il est beau, Alain Delon. Il était beau, mais il est encore beau, je trouve. Hein. Ah ouais, après, c'est vrai, ouais, je sais pas, c'est une question de goût. Et aujourd'hui, un jeune acteur ou un jeune chanteur? Enfin, Pokora, j'aime bien. Oh ah bah, il arrête la musique, lui, pour l'instant. Ouais, ah, bonne initiative. Pour l'instant. C'est vrai, une bonne nouvelle. Pour une bonne nouvelle, c'est de... Après, il avait commencé déjà. Ouais. Ah ok, bah voilà, bah pourquoi pas, hein, tous les goûts sont dans la nature, la nature n'est pas forcément bien faite, mais... Eh bien écoute, c'est bientôt la rétro, la chronique rétro ciné 80, oui. Tu m'as promis quelque chose. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, donc coupure musicale avec... Sarah Le Thor. Avec No Limits. No Limits, c'est ça. Et puis ensuite, bah, je sais pas, on va faire un petit roulet de song. Ah bah on va demander à Véro. Ok, ça marche. Allez, bah vas-y Véro. Stop. Les Pet Shop Boys avec Always on My Mind. Ah bah ça va faire plaisir à Flip 4. Bon, cette version-là, tu l'aimes peut-être un peu moins, mais oui, tout à fait. Elvis Presley à la base. Uh-huh. Hein. Et ça, j'adore. Et il y avait une autre version qui avait été reprise. Ah oui, j'adore, avec le Countryman. Oui, bien sûr. Bon bah ça me reviendra après. Ah oui, c'est ça. Willie Nelson. Oui, il y a Willie Nelson, cette version-là, elle est magnifique. Je l'ai jamais entendue, oui, non. Elle est très très belle, vraiment. Enfin, mais ça l'aide pas mal non plus. Bon, ouais. Voilà, c'est les Pet Shop Boys. Allez, on se retrouve donc après ça, après Sarah Le Thor et les Pet Shop Boys. Salut, c'est Sarah Le Thor. Un gros bisou à toute l'équipe d'RQC à 80 à l'heure. Plein de bisous. Is on the road to liberty. Do all that I can do and all that I should do to finally become all I am. Go where I feel to go. No, no, no limit, no doubt. Everything is in our minds. Just keep on moving, believing in our dreams, and just enjoy the journey. No time to lose with futility. Is on the road to liberty. Do all that I can do and all that I should do to finally become one. Something of course. My friends say other things. Shamble knocks on the door. That nothing likes me in a small box. I listen to my heart. It will be my referee. No time to lose with futility. Is on the road to liberty. Do all that I can do and all that I should do to finally. We'll be right back. Beatles, les amis. Montons tous dans la DeLorean. Montons tous dans la... Comme diraient les frères Bogdanov, montons tous. Allez, prends ton menton, on s'en va. Et partons vers l'année 1990. Tu fais ça avec la musique en plus, j'ai même pas capté. Bah oui. Bah forcément, d'habitude, tu mets pas ton casque. Ah oui, c'est énorme. Ah, c'est bien. Oui, forcément. Ah ouais, non, j'adore. Refais-le. J'attends la montée. Refais-le, casque aussi. Là, c'est parce que vous avez parlé encore entre deux. Bon, on arrête, on s'était et on te laisse faire. Vas-y. Mais par contre, change le dialogue. Enfin. Change le texte, allez. Fais autre chose. Débrouille-toi. Ok. Vite, mon petit Marty! Il faut vite arriver aux 2,21 gigawatts! Gigawatt? Ah oui! C'est quoi gigawatt? C'est la puissance qu'il faut, mon petit Marty! Enfin. Gigawatt! Gigawatt! Et remontons vite vers l'année. 1990! Et Doc, on prend quoi comme bagnole? Prends ton overboard! Sur vous. Complètement! Ah oui, carrément! Alors oui, effectivement, donc on repart vers l'année 1990. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est pas 80, mais bah si, non. Parce que ça a été fait quand même en 1989 aux États-Unis. Ouais, ils ont pas attendu 10 ans pour le sortir en France quand même, ça aurait été un peu con. Alors oui, effectivement, donc c'est sorti donc le 4 avril 1990 ici en France et c'est sorti le 13 octobre 1989 aux États-Unis. À mercredi. Alors aux États-Unis, je ne sais pas, en France, oui. Aux États-Unis, madame pas. Hein? Aux États-Unis. Oui, c'est ça. Alors, le film est un film de Amy Heckerling. Ça ne vous dit rien du tout? Ah, donc ça devrait nous dire quelque chose? Ben sûrement, parce que le film a quand même fait 4 023 000 en France, 23 695 entrées au box-office français. C'est énorme! Il s'est classé 7e au box-office 1990 devant La Petite Sirène et Ghost. Devant La Petite Sirène et Ghost, ouais, quand même. Devant La Petite Sirène, je peux comprendre, mais. Bah, c'est un Ghost, Disney aussi. Quand même, donc ouais. ça fait beaucoup d'entrées. Mais devant Ghost, ah ouais. Le film culte par excellence, avec Patrick Swayze, enfin à part Dirty Dancing qui est aussi culte. Oui, oui. Mais, avec Demi Moore. C'est ça. Et Whoopi Goldberg. Ah ouais, absolument. Effectivement. Alors quand même, ça a dépassé ça. Ouais. Est-ce que c'est un film avec des gros bras? Pas du tout. D'accord. Tu penses à quoi? À la même chose que toi, gros dégueulasse. Je l'attendais. Non, on a un film avec Schwarzenegger ou Stallone. Quoi, non, pas du tout. Non, non, non. On n'est pas du tout là-dedans. Flipkat, est-ce que tu as une petite idée? Du tout. La musique est de David Kitay. K-I-T-A-Y. Bon, alors Flipkat, je vois que tu as ton ordinateur devant toi, mais ne cherche pas ah sur... Ah non, non, non, du tout. Ça, jamais. Je le fais jamais, ça. Non, non, non, mais... Je préfère prévenir, c'est Sylvie Gossard, dernière fois, qui trichait. Ouais. Qui a toujours pas trouvé la réponse, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Et Fabrizio, la dernière fois, qui essayait avec Shazam. Qui trouvait pas la réponse non plus. C'est ça, avec Shazam, qui a même pas trouvé non plus. Ouais. Donc j'étais très content parce qu'il y avait pas dans Shazam. Ouais, en plus, c'était compliqué ton film avec Sean Connery. Ouais, c'était Outland, Outland, loin de la Terre. Ah bah ouais, bah non. Ouais, c'était compliqué. Bah ouais, et je l'avais jamais vu, moi. Nous non plus. Ouais, voilà. Comme quoi, je vous fais découvrir des films des années 80. Absolument. Comme quoi, il y a pas d'âge pour découvrir des films. Ah non, c'est sûr. Alors, donc, par exemple, dans les acteurs, il y a Neil Israel, Don S. Davis. C'est pas l'Égypte? Bruce Willis, pardon. Neil, c'est l'Égypte, non? Non, c'est pas ça. Tu dis Neil Israel, c'est... Alors, il y a Bruce Willis, mais on ne le voit pas dans le film. Ah bon? Ouais. Ah bon? Ah oh bon? Eh ouais. Bah c'est... Attends, je comprends pas là. Il y a Bruce Willis, mais on le voit pas dans le film. Eh oui. Il parle alors. C'est ça, il parle. Ah, c'est sa voix. Un film d'animation. Pas du tout. Alors bon, ça a été doublé en français, forcément. Ah ouais, donc on n'entend pas Bruce Willis. Donc on n'entend pas Bruce Willis, mais dans la version de... La version américaine, c'est Bruce Willis. En français, c'est Daniel Auteuil. Ah ouais. Alors, ensuite, il y a Abe Vigoda, Twink Kaplan, attends, Jason Schaller. Attends, j'ai un indice. J'ai un indice. Staying Alive. Oui. Ah bah oui. Bravo. Ah bah oui. Ouais, bah voilà. J'ai même un autre indice. Round, round, round, round. Get around, get around, round. Ooh, get around, get around. C'est beaucoup de get around, hein. Non, c'est, ouais, ouais, ouais, ouais, est-ce que c'est un bon indice ou pas? Oui, bien sûr, parce que et c'est ben mon voilà. dernier indice que j'avais donné, salopio. Alors voilà. Et j'en ai encore un autre, si tu veux. Non, non, attends. Mais non, mais celui-là, je peux le donner, personne ne va le trouver. Vas-y. Ouais. Donne-moi ton pipi. C'est pas un indice, ça? Ça, c'est dans le 2. Ah, c'est dans le 2, ok. Eh ouais. Alors, je vais vous passer le premier indice. Écoutez bien, c'est... C'est un extrait sonore du film, c'est un extrait de dialogue. C'était très dur. J'avais tout le temps mal au cœur, j'étais patraque. J'avais terriblement mal au ventre. J'étais ballonné, j'avais des gaz. Je rotais à longueur de journée. J'avais sans cesse envie d'aller aux toilettes. Mais je m'asseyais, et alors c'était affreux, il se passait rien. Enfin, rien ne sortait. Enfin, bref, pour finir, j'ai passé une échographie, mais elles ont été formelles. Il n'y avait pas de calcul biliaire. Et alors le docteur a dit, eh bien, je ne sais pas ce que vous avez, blablabla. Bla bla. Et il a dit, il faut faire une radiographie du côlon. Alors j'ai passé une radiographie du côlon. Oh, à propos, j'ai une question à vous poser. On vous a fait un lavement au barium? Non, pas ces temps-ci. Ah, c'est vraiment dégoûtant. Mais j'ai enfin réussi à voir mon colon à la télé. Ah, est-ce que votre colon avait mis son casque pour passer la télé? C'est marrant parce que c'est Daniel Auteuil, là. Non, c'est pas Daniel. Ah, c'est Préjean, là. Oui, là, c'est... La, ah, je là, sais pas, c'est est-ce la... que c'est Préjean qui parle ou pas? Je sais pas, j'ai pas été vérifié. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est, voilà. Mais je, non, je pense même pas, ça doit pas être Préjean. D'accord, mais ouais. Mais bon, après, c'est pas les phrases les plus cultes du film. Non, forcément. Bah non, mais je me doute. Sinon, me doute. Ça aurait été beaucoup trop facile. Ah, y a l'actrice. Oh, elle a joué dans Nord-Sud. Oui. Nord-Sud. Ah ouais. Ah ouais. Alors, Nord et Sud, pardon. Effectivement, tu me parlais de Staying Alive. Oui. Eh bien, effectivement, on l'entend dans le film. Ah, mais c'est pas fait pour ça d'ailleurs. C'est pas pour ça que je le dis. Ouais, non, mais on l'entend dans le film. Ah ouais. C'est marrant parce que c'est un clin d'œil du coup. Il y a forcément un petit clin d'œil. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a un clin d'œil. Et l'actrice, je peux le dire ou pas? Ah, vas-y. C'est Kirsty Alley. Ouais, Kirsty Alley. Ouais. C'est Kirsty ou Kirsty? Je crois que c'est Kirsty. Kirsty. Ouais, ouais, d'accord. C'est Kirsty Alley. Elle est belle. Oui. Elle était belle à l'époque. Et on la voyait dans Nord et Sud, maintenant. Entre autres. Oui. Ouais, bah oui. Mais forcément, ce film, s'il date de 90, tu fais le calcul. Hein. Elle a bien changé, effectivement. Mais ça vous donne une idée ou pas? Pas du tout, justement. Pas du tout. C'est vrai? Oh, bah quand tu veux savoir le titre, tu vas dire, ouais. Bah ouais, bien sûr. Bon. Probablement, oui. Oui. Un deuxième extrait, peut-être, du film, qui pourrait peut-être vous aider. Écoutez bien. Laissez-le moi, je vais accoucher. J'étais là avant vous. Écoute, mon pote, il y a de la place pour toi, non? Avouté! Taxi! Vite! Ah! Saint-Jérôme, l'hôpital. Ah! Oh, hé! Comme ça va pas? Hé! Ralentissez! Le travail peut durer plusieurs heures. Ouais, et les embouteillages, c'est pareil. Alors... Bon, toi, je sais que t'as trouvé déjà. Rien. Ah oui, oui, j'ai trouvé, évidemment. Okay. Mais non, c'est bien l'acteur principal, le taximan, en fait. Oui, ouais, le taximan est l'acteur principal, bien mais sûr. Par la suite, dans le film, il ne joue pas que le taxi. Non, c'est vrai. Il a, enfin, il fait autre chose que taxi. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Bon, je peux vous donner peut-être l'acteur Attends, principal. Attends, je peux pas te répondre, il est sur Mythique, là. Ah, d'accord. Non, pas du tout. Pas du tout mon genre de truc. Allez, je vais vous donner l'acteur principal. L'acteur principal, c'est John Travolta. Ah. Ah. Bah oui. John Travolta. Eh ouais. C'est pas... Ah. Alors, je vais vous faire écouter encore un extrait de dialogue. Peut-être que là, ça va vraiment vous mettre sur la piste. Écoutez. Je vais jamais venir te voir, mon pote. Pourquoi? Que se passe-t-il? C'est à cause de ta maman. Elle s'est mis une idée dingue dans la tête. Elle croit que je ne ferai pas un assez bon père pour toi. Chacun ses idées. Mon père non plus, elle l'aurait sûrement pas choisi. Moi, je trouve le résultat concluant, mais tu veux que je te donne un petit conseil paternel? Bonsoir, Lupe. Uh-huh. El señor está en el cuarto con el bebé. Ah bah oui, bien sûr, je vais vous faire un chèque. Quand j'avais 3 ans, il a dit, ne frappe jamais une fille, même si elle te le demande. Et plus tard, je me souviens, il me disait, finis ta viande, tu sais combien ça coûte. Je crois que la seule façon d'être un bon père, c'est de donner du bonheur à la mère afin qu'il rende pas les enfants. Alors. Non. Bah si, bien sûr. Bon sang, mais c'est bien sûr. Bon sang, bien sûr. Alors, moi, ça m'a mis sur la piste avec Daniel Auteuil, en fait. Hein. Oui, bah, je me doute, ouais. Mais d'ailleurs, qu'on n'a toujours pas entendu, mais... Si, on l'a entendu, juste un court extrait. Qui fait le gamin, en fait. C'est ça. Ah ouais, j'ai pas reconnu sa voix, mais c'est marrant. La voix du gamin. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Et donc, effectivement, on entend dans le film cette chanson. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Si tu peux nous refaire à l'antenne, ça peut peut-être aider. Mais c'est pas tout à fait ça. Mais à un moment, ça fait. C'est une bande de potes hein, qui font. Ouais, vas-y, on y va. Ouais, vas-y, pousse-toi. De potes, ouais, on va dire ça. Ouais, mais une bande de potes, ouais, ils sont plusieurs. Ouais, ouais. Vas-y, pousse-toi. Ouais, tu vas. Non, vas-y, ouais, j'arrive. Ouais, c'est un peu ça, hein, le début. Mais c'est quoi cette ouverture? Oui, c'est ça. Ouais, vas-y. Vas-y, mais pousse-toi, bordel. Mais pousse-toi. Ouais, attends. C'est un peu ça, ouais. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais c'est ça. Il n'y a pas un bébé ? Oui, il y a un bébé, ouais. Oui, il y a un bébé. Et d'ailleurs, c'est un peu gynécologique, cette partie-là. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est le début du film. Hein. C'est le début du film. C'est le début du film, ça commence comme ça. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais été au cinéma, je me demandais où est-ce que je m'étais retrouvé. Quoi. Ça, moi, je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Mais je ne m'attendais pas à ça du tout. Et j'ai été agréablement surpris, d'ailleurs. Attention, Véro. Allez, Véro, la grande vadrouille. Allô. Non, c'est pas la grande vadrouille. Allô, Véro. Allô, maman bébé. Ah, pas loin. C'est pas loin. Allô, maman, j'ai raté l'avion. Je l'ai regardé avant-hier. C'est dans ces eaux-là. Alors, c'est... On est pas loin. Effectivement, là, oui. Allô, maman. J'arrête ici les gosses. Non, c'est pas ça. Allô, maman. Bobo, non. J'arrive. Non, bon. Allô, maman, j'arrive. Gang Bang Extrême 18. Non, c'est pas ça non plus. Allô, maman. Bah, enfin, t'y es, Véro. C'est vrai qu'avec la bande de potes, on aurait pu croire, hein, par contre. Oui, c'est clair. Ouais. Bah, t'y es. Allô, maman. Allez, arrive, vas-y. Allô, quoi. Allô, maman, ici bébé. Oh, allô, bah maman, oui. Ici bébé, effectivement. Bien sûr. Ah, bah, oui. Eh oui. Alors, il faut savoir que le titre au Québec, c'était « De quoi je me mêle ?» Rien à voir. Ah ouais. D'ailleurs, par rapport au pitch du film. Ben ouais, j'ai pas compris pourquoi. Ah si, parce que le gamin, en fait, il parle tout le temps. Enfin, je sais pas, on l'entend parler, donc. Ouais, peut-être. Je sais pas. J'ai pas compris pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais. Après, ouais. j'ai pas vu le titre américain. Donc souvent, eux font la traduction limite littérale au Québec. Ouais, c'est possible. Donc c'est peut-être ça. Nous, en France, on a toujours tendance à rechanger les titres. Un peu comme Danse Lascive. C'est ça. Dirty Dancing, c'est devenu Danse Lascive. Nous, on a gardé Dirty Dancing, mais alors des fois, les Français sont encore plus cons. Ah oui. C'est que pour un titre américain, au lieu de le traduire en français, non, ils prennent un autre titre américain. Un autre titre en anglais. Tu vois, c'est. Ouais, je sais bien. J'ai déjà vu. J'ai pas d'exemple là. Pareil, mais je sais quoi, ils sont un peu bizarres, les Québécois. Ouais. Mais non, les Québécois le traduisent vraiment littéralement en français. Ah, mais tu parles des Français. Ouais. Les Français, oui. Au lieu de reprendre un autre titre qui pourrait mieux correspondre en français, non, ils te changent le titre d'origine pour te remettre un titre anglais. Mais à la limite, ça fait plus nul, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un peu comme Rambo, c'est devenu Rambo. Ouais, on va dire ça. Alors oui, donc effectivement, il est arrivé 7e au box-office en 90 devant La Petite Sirène et Ghost. Ah ouais. Amy Heckerling a été inspirée à écrire le film après que son mari et écrivain, donc Neil Israel, qui joue dans le film, ait commencé à parler d'une voix différente pour faire semblant de dire ce que leur nouveau bébé allait dire. Son mari a aussi un caméo comme le patron du personnage de Christy Alley. Ah ouais, Christy Alley. Alors, Amy Heckerling a d'abord présenté le film à Disney. Le PDG Disney, Michael Eisner, a estimé que c'était trop sexuel pour eux, même pour leur bannière Touchstone Pictures. Ouais. Paramount Pictures, Warner Bros, Orion Pictures, 20th Century Fox et Universal Studios ont également passé la main. Mais c'est quand même Touchstone qui l'a fait. Hein. Non, pas du tout. Ah, je croyais. En fin de compte, c'est TriStar Pictures qui a aimé le scénario et qui a lancé le film avec un budget de 7,5 millions de dollars. Il a engrangé au total près de 297 millions de recettes dans le monde, soit plus de 39 fois la mise de départ. J'adore Véro parce qu'il dit « Il a engrangé plus de 200... Ah » Elle, tu t'attendais à euro. Tu n'attends même pas la suite. « Il a engrangé plus de 200... Ah » Non, plus de 297 millions d'euros. Ah, c'est énorme. De dollars, ouais. Pardon. Ouais. Ça fait moins en euros. Ouais, ouais. Bon, mais ouais. Pas beaucoup. Alors, à l'époque, faut savoir que le nom du personnage de John Travolta est James Ubriaco. Le nom de famille Ubriaco est un mot italien qui signifie ivre. C'est pourquoi dans la version italienne, il a été renommé Borracho, qui signifie la même chose bourré en espagnol. En espagnol, bah c'est oui, ça. Bah oui. Voilà. Ils sont cons. Quoi. Mais c'est rigolo. Ouais. Je bah trouve ouais, le clin d'œil assez sympa. Bah, nous on a bien eu un Jean-Claude Bourré. Oui, bah oui. Comme présentateur, on l'a pas appelé Borracho. C'est vrai. Alors, Gina Davis fut pressentie pour le rôle de Molly, donc, qui a été pris par Christy Allen. Ah, comme dans Ghost, d'ailleurs. C'est marrant, ça. Mmh. Elle s'appelle Molly dans Ghost. Oui, Molly. Exact. Ouais. Alors, mais elle refusa, car elle ne pouvait pas gérer un film impliquant une séquence de naissance, surtout depuis sa séquence de naissance dans La Mouche, en 86. Ouais, elle a été vraiment choquée, en fait, par le film, et elle a pas pu faire ça. Ouais, elle abuse. Hein. Alors, pour plusieurs millions de dollars, elle aurait pu le faire, hein, je veux te dire. Ouais. Ça, c'est la légende, un peu, quelque part. Hein. Ouais, peut-être. Bah, c'était que comment 7... la meuf, elle va refuser... Et c'était que 7,5 millions de dollars, hein, le film. Donc, à mon avis, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, 7,5 millions, c'est pas beaucoup. Elle touchait pas le SMIC, hein, pour le faire. Non, je me doute bien, mais bon... Mais bon. Ouais, okay. Alors, John Stamos était le premier choix pour le rôle de James. Ah ouais. Alors, John Stamos, pour ceux qui connaissent, c'est La Fête à la Maison. C'est l'oncle, oui, c'est Jesse, le rocker. Hein. Alors, mais les producteurs de La Fête à la Maison, donc en 87, ne le laisseront pas sortir de son contrat pour prendre le rôle. Michael Keaton, Griffin Dunne, Jeff Goldblum et Mel Gibson ont également été considérés pour le rôle de James. Ah, mais La Mouche était à la même période, non ? C'était 2 ans avant. La Mouche était 2 ans avant ? Ouais. Bah, Jeff Goldblum dans le rôle serait fait tout drôle, quand même. Enfin, Ouais. Bah, et puis aussi, c'était Jeff Goldblum et Gina Davis, ça aurait fait encore le une même... Une redite, ah ouais, ouais, c'est clair. Ouais. Donc après, c'est peut-être ce qu'elle cherchait aussi, hein, la réalisatrice, c'est peut-être ce qu'elle cherchait. Hein. Ouais, mais bon, La Mouche, c'est un peu moins gay, quoi. Enfin, c'est sûr. Tout de même. Hein. Alors, Chevy Chase, Bill Murray, Dan Aykroyd, Steve Martin et John Candy ont été pressentis pour la voix de Mikey, mais tous étaient occupés. Chase était occupé à faire le sapin à les boules, alors c'est le titre du film... Okay. Murray et Aykroyd finissaient le SOS Phantom 2. Steve Martin était occupé à tourner Portrait craché d'une famille modèle. Et John Candy faisait L'Oncle Buck, donc un film qui s'appelle comme ça. Robin Williams fut également contacté pour la voix de Mikey, mais l'agent de Williams voulait trop d'argent, ce qui représentait le double du budget de production du film. Ah ouais, quand même. Ah ouais, ouais. Donc, en gros, bah, 15 millions, quoi. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Dingue, ouais. C'est finalement Bruce Willis qui décrochera le rôle. Ah, j'aurais bien aimé l'entendre en version originale, tiens. Ouais, bah là, je l'ai pas. Je l'ai pas, mais à mon avis, je pense que tu peux le trouver sur clair, YouTube. J'aurais jamais imaginé que c'était Bruce Willis qui faisait la voix originale, quoi. Ouais. Rien à voir avec. Enfin. Avec Daniel Auteuil, bien non, bien sûr que non. Mais, forcément. Alors, le mais rôle on n'aurait pas compris avec Bruce Willis. Hein. Ouais. Le rôle d'Harry, donc le comptable de Molly, celui qu'on a entendu qui parlait de sa radiographie du côlon, hein, était à l'origine conçu comme un caméo pour l'ami et camarade réalisateur d'Amy Eckerling, John Landis. Ah oui, bah, film d'horreur, lui, hein, par contre. Ouais, mais Landis l'a refusé car il n'aimait pas vraiment travailler sur des films impliquant des enfants, surtout après ce qui s'était passé avec lui lors de la réalisation de La Quatrième Dimension en 83. Il avait été accusé de travail non déclaré avec des enfants sur le tournage du film. Il y avait même eu des morts à l'époque. J'en avais parlé dans une chronique précédente sur le film de La Quatrième Dimension. Suite au succès du film, une série télévisée intitulée Ici Bébé, Baby Talk en anglais, a vu le jour en 91. De suite ont vu également le jour Allô Maman, c'est encore moi en 90 et Allô Maman, c'est Noël en 93 avec Jordi qui chantait le générique de fin. Non. Ah ouais. Eh ouais. Jordi. Ouais, ouais, il chantait le générique de fin, Jordi. et le film a fortement influencé la série animée Les Razmoquettes en 90, développée pour la nouvelle ligne d'animation sur le réseau Nickelodeon. Mais je vois pas le rapport en fait avec les Razmoquettes en fait. Ah si, c'est des bébés qui parlent, ils ont, ouais, le, ils ont leur langage, ils parlent entre eux, ils ont leur vie. Ah mais là on le voit avant la conception, enfin on le voit, wow. Ils parlent déjà, ils sont spermatozoïdes. Ouais, ouais, d'accord. Vers mais, mais après tout le reste du film, ça se passe de la naissance jusque allez les 2-3 ans du gamin quoi. Ouais. Et les Razmoquettes, ça a été influencé fortement par ça. Ouais, moi je me rappelle qu'en l'ayant vu en fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que le bébé parle. Oui, alors à l'époque, moi, je m'attendais à ce que le bébé parle et en fait, il pense tout haut. Oui, alors en voyant le film, par contre, on voit l'enfant qui bouge les lèvres. Donc, je me demande si aux États-Unis, il dit pas quelques mots, ou alors ça a été coupé, ouais, de la bande sonore. Alors, en tout cas, pour en remettre France, la voix il bouge de pas les lèvres, mais ou très si, peu. Si, enfin, oui, on le voit, quelques fois bouger les lèvres. Mais non, il parle pas. C'est Daniel Auteuil qui a la voix off. Ouais, ouais. Mais je me rappelle qu'à l'époque, oui, je sais plus pourquoi, je suis allé voir ce film-là parce que justement, en fait, il y avait une bonne presse et c'est vrai que c'était sympa, quoi. Ouais. C'était assez sympa et je m'attendais à ce que le bébé parle. Je sais pas pourquoi, je me rappelle maintenant. Et que j'étais un peu déçu parce qu'il parlait pas, il pense tout haut, quoi. Ouais, c'est ça. Il pense tout haut. C'est ça, effectivement. Mais ouais, 4 023 695 entrées. J'ai été étonné moi-même du truc quand j'ai regardé pour le box-office. Je me suis dit, mais c'est énorme. Mais c'est sorti en fin d'année, hein, je crois. Non, c'est sorti au mois d'avril. Ah ouais. Au mois d'avril en France. Et j'ai été étonné parce que je me suis dit, ça fait vraiment un score énorme. John Travolta a pas refait ça, je pense, à part avec... Volte-face, quand même, aussi. Même pas, même non, pas. Non. Il n'y a aucun film, je crois que c'est La Fièvre du samedi soir, qui avait fait autant d'entrées, voire un petit peu plus. Grease. Tous les oui c'est ça, c'est Grease. C'est Grease qui l'a dépassé, sinon tout le reste est en dessous. Ah ouais. Tous les autres films sont en dessous. Et je me suis dit franchement c'est balèze quoi pour un film qui paye pas de mine quoi à première vue. Quand tu parles de Ghost, tu te dis c'est un film génial avec Patrick Swayze. Quand tu dis Allô maman ici bébé, ouais, c'est une comédie sympa, regarder l'après-midi sous un plaid avec un chocolat chaud. Mais tu penses pas qu'il a fait autant d'entrées au cinéma. Alors maintenant, moi je vais te poser une question, Sherlock. Et je vais peut-être te donner une réponse. Oui, parce qu'en fait, il y a les sorties Cinoche, d'accord ? Oui. Donc tu dis, ouais, il y a autant de millions de personnes qui sont allées le voir le film. Et moi, la question que je me pose, à l'époque ça se faisait beaucoup, maintenant ça ne se fait plus. Mais il y avait des ressorties, rappelez-vous. Si, si, ça sortait, se fait encore, ça se fait encore, ouais, ouais. Mais là, c'était, par exemple, un film sortait une année, et puis on le ressortait un an après, et il marchait beaucoup mieux que l'année d'avant. Est-ce que ça existe encore, ça ? C'est une bonne question. Alors oui, et alors ils font... Peut-être plus dans maintenant, c'est des films, mais d'il y a plusieurs années. C'est des vieux films qui repassent, notamment ouais, mais pas 20 dans ans, toute la chaîne UGC. Si. Dans la chaîne UGC... Non, mais à l'époque, dans les années 80, non. Il y avait on n'attendait pas 10 ans pour ressortir. Non, c'est sûr. Mais des fois, il y avait des ressorties de films. À l'heure actuelle, ils le font encore dans toutes les chaînes UGC, les cinémas UGC. Je sais qu'ils le font. Il y a des sorties d'anciens films. Ça permet aussi de faire découvrir les anciens films qui ont très bien fonctionné. Ah bah, il y a Titanic qui ressort là. Ouais, c'est possible. Si, visiblement, elles ressortent. Si. Bon, on sait tous comment ça finit, hein, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont encore aller le voir. Ah bah, il y en a, mais c'est pas le Titanic 2, mais bon. J'avais pas compris. Moi, mais non, mais alors là, tu dis ça sur le ton de la connerie, mais, ouais, mais ils avaient pensé à une suite. Ouais. J'imagine bien que c'est, ils ont renfloué le Titanic, bien qu'il n'y ait pas les en deux. Hein. Non, mais... c'est visiblement, c'était sponsorisé par Mr Freeze. Et les glaces Miko. Ouais, c'est ça, les Miko. mais effectivement, à la sortie du film, moi, ce qui m'avait fait halluciner, c'est les gens qui allaient le voir 8 fois. Ouais. Ah, Titanic ? Ouais, mais j'étais voir 3 fois, moi. Bah, je l'ai vu 2 fois, mais moi, c'est parce que mes parents sont divorcés. Ouais. Je suis allé le voir une fois avec mon père et une fois avec ma mère, tu vois, parce qu'il l'avait pas vu. Non, mais au niveau spectacle, il fallait avouer quand même. C'est un beau film. Ouais. Oui, mais c'est au niveau spectacle. Moi, j'ai trouvé qu'au niveau effets spéciaux, pour revenir sur Titanic, je crois que j'étais le voir 3 fois, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, j'étais le voir une fois, et ensuite, pareil comme toi, j'ai dit à ma mère, va le voir, et viens avec moi, et volontiers, je suis allé le voir. Et faut être honnête, sincèrement, Titanic, c'est un film à aller voir au cinéma. Oui, C'est clair. Voilà, on les a fait. Voilà, ou alors, bel... oui, ça, ouais, ou alors il faut avoir un bel écran et un, voilà, un bel écran, ouais, un son surround, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, bon, oui. faut reconnaître que James Horner, au niveau de la musique, c'est nickel. Il y a vraiment, et puis il y a de la recherche, c'est bien fait. Les effets spéciaux sont super. James Cameron, à mon avis, il y a mis de la thune dans ce film. Oui, puis il faut quand même savoir que c'est lui qui a dirigé le, on va dire, entre guillemets, l'expédition avec les sous-marins de poche pour visiter les entrailles du Titanic. Hein. Bien sûr, et d'ailleurs, il a fait un super reportage, ouais, un documentaire justement sur le Titanic. Et avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était jouée par l'actrice, la dame, je crois qu'elle vit encore. Ah, Rose. Oui, Rose, voilà. Ouais. Hein, qui fait partie du reportage de James Cameron. Ah oui, c'est possible, mais ce reportage, j'avais vu aussi, c'est vrai qu'il, ouais, il est magnifique, et là, il est, pour le coup, c'est un film qui il va forcément marquer sa décennie. La preuve en est, c'est qu'il a fait, bah, il a gagné, enfin, il a gagné tous les records, enfin, jusqu'à maintenant, Titanic, ça a même dépassé la grande vadrouille. Ouais, je pense que le seul film qui l'a dépassé, je pense que c'est Avatar. C'est possible. Ah bon, qui est de James Cameron aussi, également. Ouais, donc, comme quoi. Ouais, mais je suis moins fan. Avatar, ouais, hein, pourtant, c'est. Ah, il y a un 2 et un 3 de prévu, hein, déjà. Bah oui, je sais, bah, mais quand ça marche. Je pense évidemment que ça va sortir l'année prochaine pour le 2 et l'année d'après pour le 3. Parce qu'ils sont en train de le tourner, mais ils tournent les deux d'un coup. Bien sûr. Ah oui, carrément. Ouais, ah ouais. Ouais. Ils tournent les deux d'un coup. Économie d'échelle, Flipkat. Économie d'échelle. Ouais. Eh ben, écoute, merci à toi, et puis c'était un vrai plaisir de se rappeler donc du film Allô, ici bébé. Allô, oui, maman, voilà. Ici bébé. Allô, maman, maman, ici bébé. Et je me rappelle de cette scène dans le 2, par contre, où là, t'as le toilette qui dit donne-moi ton pipi. C'est le bonhomme toilette, ah, qui l'appelle. Hein. Donne-moi ton pipi. Toi aussi, t'as un peu pipi coco. Non, non, mais si, si, c'est marrant cette scène. Eh, quand on parlait du Titanic, si vous voulez, je la ferai un peu plus tard. J'ai une bonne blague sur le Titanic. Bah, vas-y, fais-la maintenant. Hein. Ouais, c'est l'heure. Ouais. Vas-y. Bah, c'est un blague qui atterrit donc à Charleroi. Hein, il descend à, quoi à Charleroi, l'aéroport de Charleroi. Un black. Ouais. Ouais. Et donc il passe au contrôle des frontières, la PAF, hein, police des frontières. Il file son passeport, le mec il voit qu'il va faire un black, il regarde le passeport du mec. Et sur la photo, c'est Leonardo DiCaprio. Donc évidemment, le douanier il bloque. Il regarde la tronche du black, le black, la photo. Mais il comprend pas très bien. Il se retourne, il appelle son pote qui est derrière. Il dit hey, Roger, dit, viens une fois voir. Il dit toi qui es calé en cinéma, le Titanic. Il y a coulé ou il y a cramé? Oh là là. Bon. Quand si je l'ai pas fait 400 belges, j'aurais dû. Hein. Bon, on va se faire une coupure musicale. Hein. Ouais, ouais, ouais, ouais. On va te donner ta pilule. Parce que vous voulez. Arrêtez pendant la coupure musicale. Mais non, c'est comme vous voulez. Si vous voulez, je peux rester ça jusqu'à la fin de l'émission. C'est pas un problème. Non, parce que juste derrière, mon ami, t'as une petite chronique à assurer. Et d'ailleurs, sur Phil Collins qu'on a Nord. Ouais, donc voilà. Ouais. Bah non, ce sera juste après cette coupure musicale que Charlotte nous a préparée. Alors avec suite. Propaganda et P-Machinery. Ah oui. Et Sydney Youngblood avec If Only I Could. If Only I Could. C'est ça, c'est parti. J'enlève ma pomme de terre. C'est believe ça. Believe, je la remets. Tu sais quoi, ça me fait penser Muppet Show, là, le cuisinier suédois. Oui. Oh mon Dieu, quelle référence. Les intonations. Ouais. Alors, quelle année, Sherlock, s'il te plaît? Single Young Blood, c'est 89. Ah, raté, parce que moi, on m'a dit que c'était... Alors que je dise pas de bêtises, en revenant sur mon message, on m'a dit que c'était 86, si ma mémoire est bonne. Puisqu'en fait, il y a... Alors, attends, oui. 86 ou 87, et là c'est ah, moi j'ai 89. 89. Dans ce que j'ai noté, j'ai 89. Alors voilà. Attention, parfois... Il y a une auditrice dont je vais taire le prénom, qui a défilé sur cette musique-là à son collège. Ouais. Donc en 89, elle devait avoir une trentaine d'années. Donc voilà, donc j'ai salué au passage. Hein, parfois, il faut voir, il peut y avoir facilement une année d'écart, parfois entre l'édition du simple. Oui, l'édition de I Could, 89. Voilà. Ah ouais, donc voilà. Donc, eh ben écoute. Et l'album Nanou, c'était en 89 et non pas en 86. Voilà. En fait, c'est le. Donc Stéphanie. Pourquoi Stéphanie? Bah, Nanou, c'est pas le diminutif de Stéphanie. Moi, je le comprends comme ça. Voilà. Ah, non, c'est le diminutif de Germaine. Ah, d'accord. Eh bien, Germaine, écoute. Et c'est même ressorti en 2007. Ah oui, c'est possible. Temples versus Sydney Youngblood. Ah, ok. C'est un remix, à mon avis. Bon, avant de laisser la parole à notre ami Flipkat, oui, yeah. Eh ben, je vais vous parler d'un petit événement qui va être bien sympathique. Et ça a été confirmé aujourd'hui, puisque le 19 décembre, donc sur l'antenne de RQC, on va recevoir Romain. Romain qui est alors hypnothérapeute déjà de formation que vous pouvez voir il sévit en ce moment dans l'émission donc d'Evelyne Thomas sur alors je sais plus quelle chaîne d'ailleurs maintenant parce que Chérie 25 voilà sur donc il sévit auprès de d'Evelyne Thomas pour toutes les séances d'hypnose. Il fait des choses merveilleuses, il a un spectacle qui est ma foi très impressionnant. On est loin du mesmer parce que là c'est vraiment on va chercher un peu plus loin, c'est pas du show comme à la mesmer et là il va chercher un peu dans le fond de chaque personne et puis ben, bref il faut voir ça. Il s'appelle Romain, donc ça s'appelle Homéostasia, si ma mémoire est bonne, c'est ça, c'est Homéostasia. Et en fait il va nous faire le plaisir d'être avec nous donc le 19 décembre. Et puis ben voilà, ben moi j'aimerais bien que quelques-uns d'entre vous se laissent faire. Ah oui, volontaire, moi. Et ben du coup moi je te remplacerai derrière la technique, mais attention c'est violent parce qu'il fait des choses. Moi j'ai vu dans un spectacle, parce que j'ai déjà essayé, alors j'ai regardé justement les émissions de Mesmer et où il demande de joindre les mains, coller les doigts et puis tourner comme ça et dire ça c'est typique, ouais. On n'arrive plus à décoller les doigts, et moi effectivement il y a un moment où j'ai un peu de misère mais j'arrive à les décoller. Donc je me dis je suis peut-être un peu réceptif, mais après du fait que ça passe par la télé peut-être que je me rends ça compte ne veut rien que, dire enfin voilà ça ne veut rien dire, il t'expliquera, mais ça ne veut absolument rien dire. Mais bon, c'est un test, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quelqu'un qui est capable d'hypnotiser les gens et ça peut durer très longtemps. En fait il vient sur scène et il hypnotise les gens, et je me rappellerai toujours parce qu'il y a 3 ans on a fait un spectacle ensemble et lui faisait un intermède comme ça. Et alors je ne me souviens plus exactement du code, mais il disait quelque chose. Alors il a fait monter des gens et il disait quelque chose et les gens s'amusaient à danser, donc à chanter les sardines. Ah, est-ce qu'on est serré, ouais. Et à se positionner comme une sardine, comme vous connaissez dans les soirées évidemment festives. Et donc ensuite il dit aux gens, vous pouvez retourner à votre place. Ils vont se rasseoir. Enfin bref. D'accord. Et puis le temps passe. Il s'est pris les pieds dans le tapis, il a dit merde et tout le monde a chié dans la salle. Pourquoi? Parce qu'il a fait merde. Il a non. Ah non, mais arrête. Et donc après, ça, hein. pendant la soirée, à un moment, il donne cette phrase et t'as les gens qui se lèvent, ils font ah action estérée au fond. Mais c'est un truc de fou. T'es là, tu dis mais c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec le spectacle à continuer. Lui, il est plus là, machin. Et il revient, il refait son truc et il redonne ce code, ce mot. Et en disant ce mot-là, les gens qui l'avaient hypnotisé un quart d'heure avant, ils recommencent leur truc. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Et est-ce que toi, quand tu le dis, par exemple, les gens le font? De quoi? Enfin, il faut que ce soit forcément lui qui dise ce code, ou est-ce que tout le monde peut le dire? Oui, j'imagine que oui. J'imagine, bah oui, parce que oui, oui, non, sinon ce serait trop simple. Non, oui, je pense que oui. Je pense que d'accord. Oui. C'est un rapport avec sa voix. Il arrive à faire. Alors, il vous expliquera dans le détail exactement en quoi ça consiste l'hypnose. Je suis pas sûr que vous allez comprendre parce que c'est très complexe. Notre con en plus. Mais non, vous allez voir. Il explique ça très très bien. Il est même le premier à vous dire que effectivement tout le monde peut le faire. Il a d'ailleurs écrit un livre, un merveilleux livre qui vient de sortir et dans lequel il vous explique comment pouvoir hypnotiser. Maintenant, je ne sais pas si c'est donné à tout le monde, il nous expliquera ça, il sera là avec nous. Ah, ça peut être ça, et ça voilà. M'intéresser. Ah, ça va être un hein. Ouais, ça va être c'est intéressant. C'est quelque chose qui va m'intéresser, oui. Ça va être un truc très sympa. Vas-y, porte-toi volontaire. Il t'expliquera. Oh, non, je suis réfractaire. Eh ben, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas, j'ai des défis. On ne sait pas, et honnêtement, moi, je pensais... Et puis, je le fais si je veux, voilà, bah... Ah oui, non, mais c'est sûr. Ok. Mais non, mais je te dis rien. je vais te dire une chose. Parce qu'il n'est pas 10 heures. J'ai déjà expliqué mon expérience. C'est mon public. Non, c'est mon émission. Je suis réfractaire aussi. Et j'ai eu l'occasion de. Mais c'était pas Romain, hein, c'était un autre dont j'ai oublié le prénom d'ailleurs. Et on faisait un spectacle avec lui. Et j'ai regardé son spectacle. Et évidemment, c'est un peu. Voilà, on fait du show. Et puis, pareil, les deux chaises. Et puis, elle est tendue sur la chaise. Enfin, bref. Puis, j'ai regardé ça. J'étais un peu sceptique, je me suis dit ok, pas de soucis, et j'ai laissé tomber. Et puis après, à la fin, on s'est vu, et puis je suis allé le voir en lui disant carrément, je dis de toute façon, vas-y, moi j'y crois pas du tout. Ok, t'y crois pas, c'est normal, c'est ton droit. Je dis, je suis réfractaire aussi, pareil, hein, à l'histoire des doigts, ils ont pas collé. T'as dit ok, bah pas de souci. Je dis bah test, j'aimerais bien que tu me fasses le test quoi. Il me l'a fait. Et ben bah, croyez-moi si vous voulez, mais au bout de allez 10 secondes, je suis tombé à terre. Plam. Mais vraiment, et il m'a, je sais pas, alors expliquer quoi, j'en sais rien, mais s'il m'a hypnotisé ou pas. Et je me suis retrouvé, alors carrément en plus, à l'entrée du du cabaret où j'étais allongé à terre, et il a commencé à me dire des trucs, je ne me souviens absolument plus. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré une trentaine de secondes, et je ne bougeais plus. Et il a fait des trucs, je sais pas. Après, il m'a réveillé. Par contre, après, quand t'es parti, tu marchais comme un cow-boy. Oh bravo, bravo. Bah tiens, en parlant de cow-boy. Ouais. Ah oui, Flip Cats. Effectivement. Allez, c'est parti. Vous n'êtes pas les loulous ? Oui. Oui. Ah, il y a toi qui réponds bien. Oui. Allez, je vais vous parler donc de Phil Collins. Hein. J'avais dit, il y a, je pense que ça doit remonter à plus d'un an. J'avais déjà fait une chronique sur le groupe dans lequel il bossait conjointement, puisqu'on... Oui, il était avec... batteur également de Genesis. Hein. Oui, avec et ça de 96, oui, tout à fait. Hein, donc, il a mené ses deux carrières en parallèle, aussi bien que Genesis qu'en solo. Alors, Phil Collins, on pourrait penser ben, que c'est son nom, son vrai nom. Ouais. En fait, c'est le diminutif de Philippe, donc Flep, comme les Anglais disent. Flep. David Flep, Charles Flep Collins. Non, mais ça vient de là, le diminutif. Mais t'es content, regardez, tout fier. De quoi ? C'est diminutif. Ah non, ça rien à, on parle pas de moi. Non, mais les Philips. Oui. Flip 4, c'est le diminutif de Philippe. Oui, c'est parce que. Ouais, oui, c'est Philippe, c'est toi, Philippe. Hey, qu'est-ce que tu fais là, Philippe? Ouais, je l'avais dit qu'en fait, c'était. C'est la contraction de Philippe, c'est devenu Flip. Oui. C'est un groupe américain qui me dit ça en 2000. Flip qui était la sauterelle dans Maillard. Hein. C'est vrai, ouais. Et pourtant, je porte pas de maillot oreillé. C'est un. Non, lui, c'était un haut de forme qu'il avait. Oui, exact. En plus, je m'en souviens, c'est ça le pire. Bon, donc voilà, donc qui s'est fait donc appeler tout simplement en utilisant son diminutif, hein, Phil Collins. Il est né le 30 janvier 51 dans le quartier londonien de Chiswick. C'est un musicien, auteur, compositeur, interprète, acteur et producteur de disques britanniques. Et oui, il était producteur, lui. Oui, également. Ça aussi, c'est un versant de Phil Collins que j'ignorais. Quoi. Alors bon, évidemment, il a commencé une carrière professionnelle dans la musique très tôt, hein, puisqu'elle a quand même commencé en 69. Belle année. Alors, je vais y venir. Il est oui, t'as une belle année, tout à fait. Ah ça te rappelle quelque chose aussi, toi. Ah ouais. J'avais quoi ? J'avais 4 ans. Alors, il est surtout. Arrête de conneries, t'avais pas 4 ans, 69. Ah si, mais 65. Ah, t'es né en 65. Et oui. Bah maintenant, tout le monde le sait. Mais oui, mais moi, la différence, c'est que. D'ailleurs, au passage, on salue Johnny. Moi, je m'en cache pas, je m'en fous. Alors, elle a été connue pour avoir été, donc, comme je disais, le batteur et le chanteur de Genesis. Et on va voir pourquoi après. Mais également, donc, il a une belle carrière solo, comme j'avais expliqué, de 80 à 96, ouais. Conjointement. C'est sûr que sa carrière solo, lui, a continué après. Il était plus connu dans le cadre de sa carrière solo. Oui. Que, oui. Bah, je sais pas, c'est une question, hein, mais je pense que oui. Si, je l'accorde. Même si, je pense qu'on est, tous un petit peu lotis à la même enceinte, c'est que sur certains morceaux, parfois des années 80 notamment, on hésite entre c'est Phil Collins ou c'est Genesis. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Exact. Hein, moi-même, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Bah, quand t'écoutes Mama, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est Genesis ou Phil Collins? On peut se poser la question. Mama, c'est Genesis. Oui, bien sûr, ouais. Mais on n'entend que Phil Collins. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, comme je le disais, il a commencé sa carrière très tôt, puisque donc en 69, hein, comme tu le disais, très, très bonne année. En tant que batteur et co-chanteur du groupe, un groupe qui, à mon avis, j'ai rien trouvé là-dessus, qui s'appelait Flaming Youth. Ah ouais. Et qu'il avait formé avec son ami Ronnie Caryl. Alors, le groupe avait signé dans une maison de disques aussi qui n'était pas très, à mon avis, très porteuse à l'époque, Fontana Records. Et ils avaient enregistré un premier album qui s'appelait Arc 2, le chiffre 2, hein, et qui est sorti en 69, qui sera classé quand même, malgré tout, l'album du mois par le magazine britannique Melody Makers. Vous avez déjà entendu parler du magazine Melody Makers. Ça me dit quelque chose. C'est un excellent... oui. Dans les années 80, c'était terrible pour les classements, il n'y avait rien de mieux. Est-ce qu'il y a un équivalent en France de ce magazine? Honnêtement, non, pas à ma connaissance, non. D'accord. Non. Ça reste une référence, Melody Maker. Est-ce que c'est l'équivalent de Podium? riez pas, hein. Oui, non, bref, non. C'est, ouais, Podium, ça a super Star bien Club. Marché. Non, c'est non, les... pas Star Club, ça n'a rien à voir, mais Podium, ça a super bien marché. Ouais. Ouais, il ne faisait que reprendre l'actualité... française. Principalement, oui. Alors que là, c'était quand même tout ce qui, évidemment, partait de l'Angleterre, puisque... on l'a vu, hein, on l'a maintes fois évoqué, c'est quand même l'année qui était la plus prolifique au niveau des groupes 69. Et des nouveaux genres. Non, 80. Ah, pardon. Oui. Elle a dû être prolifique aussi, 69, mais enfin bon. Et donc, oui, donc les années 80, riches en. Il y a eu une floraison de nouveaux groupes et de nouveaux genres musicaux, hein, à cette époque-là. Et donc, effectivement, bah, toute l'actualité, je pense qu'elle passait, tout était centralisé par Melody Makers. Parce que c'est vrai que toutes ces nouveautés nous arrivaient d'outre-Manche, pardon, pas d'outre-Atlantique. Ouais, d'outre-Atlantique, ouais. Hein, tu m'as compris. Oui, il y avait le magazine Rolling Stone, cela dit. Hein, ouais. Voilà. Alors donc, ben comment ça s'est passé en fait après, à partir de 70, tout simplement, il avait été invité en tant que musicien de session également, hein, il faut le savoir, à l'époque. C'est quoi les musiciens de session ? Musiciens de session, ce sont des gens qui sont crédités dans leur participation pour l'enregistrement d'un album, mm-hmm. mais juste en tant que musicos, quoi. D'accord. Et donc lui, ben déjà, c'est pour dire la renommée qu'il devait avoir en tant que batteur. Il avait été, entre autres, hein, parce que j'ai regardé, c'est incroyable le nombre de participations qu'il a pu faire à droite à gauche, plus ou moins connues, on va dire. Hein. Entre autres, ben là, un album de George Harrison qui s'appelait All Things Must Pass. Ah ouais, quand même. Si on rappelle un des Beatles. Oui. George Harrison, c'est... ouais, donc c'est ça donnait ça. Ouais, c'est pas mal, mais bon, au niveau percussion... Honnêtement, je l'avais mis en bonus quelques fois que vous m'avez dit, ah tiens, j'aurais bien aimé entendre. C'est ouais. pas flagrant. En fait, là, dans cet enregistrement-là, dans ce titre-là, en l'occurrence, All Things Must Pass, en fait, toutes les choses doivent passer, il joue essentiellement au congas. Voilà. C'est quoi les congas ? Combien je suis pas spécial. Oh, ouais, t'es con toi, gas. Non, ça va être c'est des gas. Combien je pense que ça va être des percus dans le style de ce que les congas, bah, les Africains utilisent. Ah, c'est les petits tam-tam. Ouais. Ouais. Hein, voilà. Je pense. Ça va souvent par deux. Ouais, souvent. C'est ouais. ce que mon père disait. Okay. Il n'y a pas que ça. Ouais. Donc voilà. Donc sur la chanson là, c'est Art of. C'est sur un album donc, qui s'appelait Art of Dying. Alors, peu de temps après, ben, Phil est devenu donc, le batteur de Genesis, attitré, en fait, à partir de 70. Et tout simplement, ben, comment c'est arrivé ? C'est qu'il a répondu à une annonce du magazine, encore une fois le fameux Melody Maker, qui avait passé une annonce qui disait tout simplement « Groupe cherche batteur sensible à la musique acoustique et à la guitare 12 cordes ». Et il s'est rendu compte donc qu'il pouvait faire l'affaire. Il s'est rendu avec son acolyte pour une audition. Il a été retenu. Mais par contre, son acolyte, le guitariste Ronnie Carré, lui, il n'a pas été retenu, en fait. Oups, les boules. Voilà. Et tout ça s'est déroulé, donc, eh ben, puisqu'on en parlait tout à l'heure, dans la maison même de Peter Gabriel. Et voilà comment la rencontre a commencé. Alors donc, effectivement, à l'origine, uniquement batteur et choriste du groupe, c'est à la suite du départ du chanteur Peter Gabriel, donc hein, en 75, que Phil Collins devient en 76 la voix de Genesis. Ah, donc il a fait une erreur, Peter Gabriel, quand même. Oui, probablement. Ouais, carrément. Hein. Ah, bah, cela oui. dit, il a une... Bon, peut-être pas aussi brillante que Phil Collins, il a une belle carrière solo, ah oui, oui, oui. avec d'excellents titres. Hein, Mais de toi à moi ou de, oui, de moi à vous, oui. ou de moi à vous, Genesis avec sans la voix de Phil Collins. Ouais. Pour Genesis les gens, avec oui. la voix de Peter Gabriel. Ils l'ont relancé à un moment quand ouais, Phil Collins ouais, a fait sa carrière solo, ils ont recherché un autre chanteur. Non mais et en fait, bah, justement, pour Genesis. Je vais dire, non, mais, ouais. Est-ce que vous vous rappelez de Genesis avec oui. la voix de Peter Gabriel? Ah, très honnêtement, non, il n'y a personne que ça a marqué, ça, c'est clair. Non, par contre, Phil Collins, on parle de Genesis, on va dire Phil Collins, quoi. Mais justement, je vais venir. Donc, en 75, en fait, quand Peter Gabriel avait décidé de quitter le groupe, Genesis avait auditionné un grand nombre de chanteurs pour le remplacer, mais aucun d'eux ne donna satisfaction. Et les membres du groupe, en fait, ont tout simplement demandé à Phil Collins, qui avait été plus que réticent dès le départ, hein, parce qu'il avait déjà été sollicité pour ça, de passer au chant. Et en fin de compte, il a fini par accepter, puis je pense que... Bah, il n'a pas dû le regretter. Hein. Ah bah c'est clair. Et puis il a une super voix. Il a une super voix. Pour être honnête, non seulement il est super batteur, mais en plus il a une super voix, Phil Collins. Alors donc, bah, à partir de là, on a commencé à découvrir pas mal de succès hein, du groupe, entre autres Follow You, Follow Me. Que voilà. Et ça date de 78. 78, pardon. dis que ça date de quand ça? 78, 78. C'est marrant parce que musicalement, ça, enfin, on a l'impression que c'est, ça date d'aujourd'hui. Ouais. Il y a un peu le côté vrai, électro oui, derrière, c'est marrant, honnêtement. Surtout pour un morceau aussi ancien, on va dire. Hein, tu le repasserais aujourd'hui, tu dirais c'est un nouveau titre de Phil Collins, on dirait ah bah ouais. C'est pas faux. Ouais. Donc ça s'appelait Follow You, Follow Me, hein, donc bien entendu du groupe Genesis. Et pourquoi ben, ce titre-là, donc je l'ai sélectionné parce que c'est 78 et c'est l'année où on pourrait dire que le groupe a connu franchement son plus grand, sa plus grande réussite commerciale, où le groupe a vraiment décollé. Alors bon, évidemment, pour revenir à Phil Collins, certaines de ses chansons rencontrent elles aussi un grand succès. On va démarrer avec, on en parlait tout à l'heure, en 80, In the Air Tonight. Yeah. Ah, j'adore. Ouais. Ah, franchement, là, je suis fan. Dommage parce que là, c'est, il faut attendre quelques instants avant d'avoir le solo. Attends, batterie. J'ai essayé d'avancer jusque là. Ah ouais, non, mais de, carrément. Ouais. Parce que le morceau dure presque 5 minutes hein, quand même. Il est très bon. Et en live, c'est exceptionnel. Aussi. Ah ouais, voilà, c'est excellent. Voilà. Alors évidemment, pour l'année 80, j'ai dû faire un choix parce que. Il y a effectivement ce qu'ils appellent les meilleurs singles. Bon, c'est basé sur les ventes, en fait. Hein. Dans les années 80, concernant Phil Collins, il y a pas mal de titres qui ont été cités, que j'écoutais au préalable. Parce que c'est vrai que parfois, ce qui est proposé en sélection, surtout sur les sites d'origine anglaise, ce ne sont pas forcément les goûts de ce que nous... Forcément. Au niveau des titres. Je dis, c'est pas pendant qu'ils n'ont pas marché. Hein. Par exemple, dans la sélection, j'en ai intercalé un, puisque je trouve que, on en a parlé il n'y a pas longtemps en plus, il avait très bien marché, c'était en 82 avec Can't You Love. Ah oui. Ah oui. Reprise des Supremes, si je ne m'abuse. Oui. Ah ouais. Il a réussi à mettre, remettre au goût du jour des musiques des années 60, oui. Supremes. Ouais. Un morceau des Supremes. Ah ouais, carrément. Mais ça, pour moi, c'est une feel-good song. C'est une chanson, quand tu l'entends, t'as la pêche. C'est vrai. Oui, ah ouais, ouais, c'est complètement. C'est un truc, ça te booste, en fait. Il y a une chanson de Queen qui est comme ça aussi, qui a été élue la chanson la plus feel-good. Ouais. Donc, celle qui donne le plus la patate... comme ça, mais je trouve que non, de Queen. mais je trouve que celle-là c'est pareil. Ah oui, oui. Ça c'est une chanson feel good quoi. Tu l'entends, ça te rebooste en fait. Ouais. Il avait tout compris parce que ce qu'il faut savoir c'est que quelques mois par avant, même voire 81, malheureusement c'est là qu'on voit à l'époque l'inconvénient des singles quand il y avait à choisir une phase B. Les Stray Cats, hein, dont je suis fan, il fallait que je vous la fasse écouter, avait déjà repris ce morceau avec un esprit un peu plus Supremes. Hein. Oui. Il n'y avait pas le piano, il y avait la guitare. Mais dans un tempo et une sonorité assez proche au final, à part avec la guitare en plus, de celle de Phil Collins. Malheureusement, c'était un phase B, sorti en 80, et je pense qu'il aurait eu autant de succès. Ah, peut-être. Parce que vu le succès qu'a remporté la version de Phil Collins en 82... Bah, voilà. il garde le même esprit. Voilà. Ouais, on en parlait tout à l'heure en antenne concernant les reprises. C'est des Pet Shop Boys que franchement, je ne trouve pas phénoménal. You're always on my mind. Oui, on écoute celle d'Elvis. Pourtant, je ne suis pas un fan d'Elvis, tu le sais. Oui. Cela dit, quand j'écoute Suspicious Mind, bien que ce n'est pas un titre non plus d'Elvis à la base, mais quand on écoute... je trouve que les Fine Young Cannibals l'avaient très bien interprété. C'est vrai, c'est ça. Avec leur touche personnelle. mais les les gardes d'esprit, en fait, l'esprit était voilà, je suis d'accord, voilà. Je suis bien d'accord. Alors, on avait un autre titre aussi en 84, puisqu'on va passer en milieu d'année, qui s'appelait donc ici. Alors, Against. Oui, Against All Odds. Ah, j'ai oui. dû les remettre dans l'ordre parce que c'était en vrai. C'est repris par Maria Carey d'ailleurs. Oui, exact. Que je ne l'ai pas cherché à écouter, oui. Just let you walk away, just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you, ooh, you're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all Ah non, Sherlock. C'est un véritable coït interopus, là. Interopus. Bah, j'ai dit quoi? Interopus, t'as dit? Bah alors, c'est comme ça, on l'attend, non? On dit pas coït interopus? Non, c'est pas, je l'interromps pas, moi. Interruptus, peut-être. Ah, moi, j'aurais dû dire interopus. Ah, ouais. Je sais pas. Mm-hmm. Mais c'est, il va falloir que tout à l'heure, la coupure musicale, on se passe deux ouais, titres de Phil Collins. C'est celui-là et In the Air Tonight. Il m'avait proposé des titres en vrac. Bon, il y en a, c'est vrai que je connais. Mais, là, mais ta chronique, elle va durer deux heures. Non, mais justement. Non, mais c'est pas négatif. Je ne sais plus comment 10-12 titres, si on a encore le lendemain. Là, j'en ai sélectionné 5. Mais c'est trop bon en plus. Et on va terminer avec un morceau de 89. Another Day in Paradise. Oui, qui a été repris par Brandy et son frère Reggie dans les années 2000. Ah ouais, d'accord. Brandy de Brandy et Monica. Ah oui, oui, oui. Et son frère Reggie. Sur nos auditeurs, il y a des titres qu'on va repasser. Oui, oui, oui, oui, carrément. Ouais. Hein, parce que c'est vrai que même moi. Ah non, mais moi je suis fan. Franchement, je suis fan. Je suis très fan. Vas-y, Charles, chante. Quelle voix. Allez, à toi, Flipkat. Il n'y a pas mis le micro. Si, j'ai mis le micro. Ah ouais, ah bah, écoute, je sais pas, rien pour le technique. Mais il a fait que des tubes, hein, ce mec. Oui, c'est clair. Oui. Mais alors, il faut écouter les paroles parce qu'elles sont également super, super profondes en fait. Là, je la vois plus là sur l'écran. Ah pardon. Ouais, alors, je sais pas si c'est elle qui a quitté, mais ouais, reviens. Ça, elle t'a vu. Nathalie, ouais, reviens, vrai. Reviens. Mais non, non. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une SDF qui demande à un gars s'il a pas une pièce ou quelque chose à manger parce qu'elle a nulle part où aller. En fait, c'est une chronique. Ah, tu connais les paroles en français? Oui, parce que je les ai traduites. Traduites, oui. Je les ai traduites. Je les ai traduites. Moi, traduites les paroles français. Alors, je les ai traduites il y a longtemps. Ouais. Parce que ça m'intéressait en fait et C'est donc une SDF qui parle à quelqu'un genre salaryman en fait, et qui nous dit donc, enfin qui lui demande une pièce parce qu'elle a nulle part où dormir, et lui en fait ne fait pas du tout attention à elle, il continue son chemin, et c'est un petit peu ce qui se passe malheureusement avec les SDF de nos jours, c'est qu'on fait plus attention à eux. Voilà. Oui, bah oui, voilà. je me doute, c'est clair. C'est alors, clair. Pour faire court, parce que c'est vrai qu'il y avait plein d'autres titres, j'ai sélectionné ce qui, à mon avis, était le plus connu. Il y a d'autres titres que j'avais passés, qui m'étaient proposés dans la sélection, qui ont fait partie pour moi de succès, mais qui sont peut-être pas forcément parlants pour tout le monde. Hein, donc voilà, donc on va terminer le... Ah, moi je peux en mettre d'autres, hein, j'en ai d'autres. Hein, oui, il y en a d'autres, hein, mais ah, j'ai fait un choix, parce que je me suis dit... Là, tu termines là-dessus. Mais non, mais je vais te donner quelques précisions. Mes musiques... Est-ce que, en même temps, on parle. Oui. Mais j'allais dire pour les extraits musicaux, on va s'arrêter là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, j'étais étonné, j'étais un peu estomaqué. On voit que t'es estomaqué. Je sais pas non, non, mais c'est que j'ai voulu mettre des, entre autres, comme je l'évoquais tout à l'heure, ces participations. Elles sont innombrables musicalement, hein, en tant que musicos. Hein. En dehors de Genesis et de son sac à dos. Bien sûr, mais il faut elles parler. Elles sont innombrables. Eric Clapton, entre autres, qui l'a souvent sollicité, c'est par dizaines. Des participations cinématographiques, je n'ai pas relevé de titre là. Alors, il a fait Tarzan. Oui, oui. Ah, j'adore. Oui, il a fait Tarzan, il a fait Frère des Ours. Oui, c'est possible. En Disney, ouais, j'adore. C'est excellent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, je regarde un petit peu Phil Collins à aujourd'hui. Si on devait faire un petit peu un bilan de sa carrière, il a reçu 7 Grammy Awards, un Oscar, 2 Golden Globes, et il a son étoile sur le Hollywood Hall of Fame, le fameux boulevard. Ouais, mais c'est pas étonnant. Voilà. C'est clair. Normal, hein. Alors, on en parlait tout à l'heure, antenne, concernant son éventuel retour. Mais oui, parce que fois annoncé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, alors là, là-dessus, il y a eu à boire et à manger. Il y a eu un problème de dos et de mal. Alors enfin, ça, je sais pas voilà, trop justement. Il y a eu un peu de tout. Il y en a même qui ont dit que c'est parce qu'il commence à devenir sourd, alors que ça, c'est n'importe quoi. Ah bah non. Non, ça, c'est Cécile. Dans les raisons qui avaient été évoquées... Hein, puisque donc le 19 octobre 2009, c'est lui qui avait annoncé dans un quotidien allemand qu'en fait, très, très simplement, parce qu'il avait un peu marre des bobards, de ce qu'il pouvait entendre, ce qui leur venait aux oreilles, c'est qu'en fait, tout simplement, il avait perdu la sensibilité au niveau de ses doigts, à la suite d'une intervention pour une luxation, tout simplement, au niveau des vertèbres. D'accord. Et lui disait que ça devait être les conséquences de... parce qu'il avait déjà eu des problèmes de dos dans son enfance, voilà. Et donc, en fait, malgré ça, c'est que bah, on s'est dit, puisqu'on avait même été jusqu'à dire qu'il avait de l'arthrose dans les poignets. Oui. Hein, et en fin de compte, donc si ça. Et toi, ça va ton arthrose dans les poignets? Ah, moi j'ai l'arthrose, mais pas dans les poignets. Mais... hein, et puis merde, quoi, en fait. Quoi. et ça a coupé. Ah, c'est vraiment de la merde, hein, le réseau ici. Hein. Je dis ça pour nos auditeurs, ils sont en train de demander ce qui se passe parce qu'il y avait quelqu'un qui était en train de faire une visio en même temps. Voilà. Ouais. Et on remercie qui ? Jacques et Michel, forcément. Ouais. Donc voilà. Et donc pour l'éventuel retour, hein, c'est qu'effectivement, il avait annoncé un comeback déjà initialement prévu le 13 septembre 2010 avec un album qui devait s'appeler Going Back. Oui, déjà en 2010. Il n'est pas revenu. Mais non, justement, ça avait été annoncé. Mais en fait, il avait fermement arrêté, comme il avait décidé, sa carrière sur scène. Ce que j'ai pu lire, alors par contre, je n'ai pas pu vérifier l'info, c'est qu'apparemment, il aurait subi une intervention au niveau de son dos, de ses vertèbres, ce qui lui infligeait une perte de sensibilité dans ses doigts. Donc on peut imaginer que pour un batteur, ça peut être terrible. Bah, c'est clair. D'accord. Et effectivement, il avait annoncé, mais par contre, je n'ai pas trouvé de confirmation, on parle bien en 2016, d'un retour sur scène de Phil Collins. Donc affaire à suivre. Et pour la petite anecdote... Affaire à suivre, 2016, c'était il y a 2016, deux ans. Hein, donc, ouais. 2016, on est en 2017. Hein, c'était, on est bientôt en 2018, donc... Oui, mais un album, ça se prépare. Ah, sorti, oui. Et un retour sur scène. Live. Ouais, d'accord, et une tournée qui suit. Ah oui, d'accord. À moins qu'il commence par une tournée, ça, j'ai jamais fait trop gaffe aux habitudes de Phil Collins. Il y a des groupes qui vont faire une tournée, ce qui va laisser présager la sortie d'un album, ou inversement, il y a un album qui sort qui laisse supposer une tournée. Mais ceci dit, tu es d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas besoin de sortir un album, il fait une tournée, il fera son comble. Il n'y a pas besoin de sortir un album. Bah, je dirais que là, je ferais des pieds et les mains, très honnêtement, pour aller le voir, parce que. Je pense. Il y a combien de. Non, mais. Il viendrait dans le coin. Enfin, il viendrait Il habite en Suisse. Jusqu'à Paris, il habite en Suisse actuellement. Jusqu'à Paris ou Bruxelles, je vais le voir. Parce qu'il y a des. Bon, même si c'est pas mon style, ma tasse de thé, je veux dire. Je suis très admiratif de ce qu'il a fait, la longue carrière qu'il a accomplie jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'aimerais voir parce que ça doit être assez spectaculaire. Moi, si, je pense aussi, ouais. Même au niveau de ses compos, tout ça, il n'y a rien à redire, quoi. Puis ça, de toute façon, c'est quand même un batteur de référence, quoi. Exactement, absolument. Et pour la petite. Pour fermer la parenthèse hein, sur Phil Collins, en fait, vous savez où il vit actuellement ? En Suisse, c'est Sherlock qui l'a dit. Hein. C'est, voilà, il me semblait bien qu'il y en avait l'un de vous deux qui l'avait évoqué. Je confirme. C'est Sherlock parce que je savais pas moi qui habite. À Féchy, en fait. C'est dans le canton de. Le canton comment ça s'appelle ? De Vaud. Féchy. F-E-C-H-Y. Oh, Féchy. Ah, il fait chier. C'est dans le canton de Vaud, pardon. Ouais, je sais parce qu'il fait. Il participe Féchy. Souvent au festival de jazz de Montreux. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, oui. Donc, parce qu'il habite apparemment pas très très loin. J'ai jamais vu géographiquement où ça se trouvait exactement par rapport à Féchy. La Suisse, la zone, la partie française de la Suisse. Ouais, mais effectivement, je sais qu'il participe régulièrement au festival de jazz de Montreux. Donc, et je sais qu'il habite en Suisse. Voilà, quoi. Voilà mes gens. Comme Patrick Juvet. Ouais, bah c'est très bien. C'est possible. Ah si, Patrick Juvet habite en Suisse aussi. D'accord. À Genève. D'accord. Ou Megève. Non, Megève, c'est en France. Ouais, à Genève. Alors. À Genève, à sa Genève, absolument. Eh bien, écoute, merci pour Genesis. Phil Collins. Ouais, Phil Collins. Entre autres, bah oui, mais tu nous as parlé de Genesis quand même. J'ai fait une petite parenthèse, oui. Oui. Mais les titres sélectionnés, c'était essentiellement donc Phil Collins. Alors, on est obligé, sincèrement, on est obligé de faire une coupure musicale avec du Phil Collins. Oui, j'en ai préparé deux qui n'ont pas été évoqués. Ah, tu vois, il y a Mama. Si il y a Mama, tu. Alors là, je te saute dessus. Ah bah écoute, je vais le mettre en deuxième alors. moi j'avais proposé I Wish It Would Rain Down. Ouais. Et ensuite c'était Something Happened on the Way to Heaven. Oui. Bah pourquoi tu mets pas un Mama derrière ? Allez, soyons fous. Trois ? Allez, c'est parti. Bah, donc bah, en Genesis. À mon avis, il y a pas beaucoup de gens qui vont s'en plaindre. Belle rétrospective sur Genesis alors, et Phil Collins, bien évidemment. Je vais chercher. Eh bah, voilà, et ça, Genesis. C'était pour quelqu'un que c'était une petite surprise. Et merci à Phil Katz. Phil Flipkart. Non, je sais, mais. non, mais les fils, c'est bon. Cut. Allez, donc bah, c'est parti. Donc, avec I Wish It Would Rain Down, Something Happened on the Way to Heaven, et on reviendra donc avec Genesis et Mama. Thank you. Oui, alors c'est Mama, bon ça. Et franchement, ouais. Et c'est vrai que c'est un titre. C'est ce qu'on disait hors antenne. Ça ne se danse pas. Non, ça se danse pas. Voilà. Non, mais ça se vit. Et ça s'écoute. Et c'est ça. Moi, j'adore. Ça me transporte. Hein, je sais pas pour vous. C'est ça. Ça se ressent en fait. C'est un titre qui se ressent. Qui. Ah, c'est énorme. Hein. Pourtant, c'est rengain. Il faut être honnête. Ouais. Musicalement, c'est rengain. C'est toujours le même rythme. Oui, mais c'est ça même... passe. Ouais, et c'est électro, je pense que le fait mélange électro et pop aussi. C'est pop électro, ouais. Hein, y a rien à faire, hein, c'est pas la peine de se mentir. Mais y a ouais, sur le fond, le beat, le tempo qui revient, quoi, en fait. Mais sinon, il y a quand même la batterie qui est le dessus. Quoi. Oui, oui, alors est-ce que, je me pose la question, est-ce qu'il le joue aussi, du coup? Parce que quand il fait partie de Genesis, il chante, mais est-ce qu'il est à la batterie aussi? Si, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Si, si. Ah oui. Ah, c'est énorme, oui, c'est oui. Énorme. Assez énorme, franchement. Ah, c'est pas le premier qui a fait ça, hein, batterie et chant. Non. Le chanteur des Eagles était à la batterie également, hein, donc. Ouais, il est mage aussi. Ça s'est fait. Hein. Eagle, non, Eagle pas si fort que ça. Hein, mais... voilà. Non, mais il est mage aussi, hein, Jean-Louis Pujade, il est à la batterie, à des moments oui, il chante. Ouais, hein. Ouais. Bah oui, mais carrément, si, si. Non, c'est vrai. Quand il est que... en live. Ouais. C'est moins sûr, mais. Mais alors, un truc dont je parlais tout à l'heure avec Flip 4 pendant les chansons. C'est les deux titres que j'ai mis, c'est I Wish It Would Rain Down et Something Happened on the Way to Heaven. Le début, ça commence par... alors, c'est pas un riff, on appelle pas ça un riff de batterie, ouais. Mais c'est, on va dire, un beat un de tempo, batterie ou ouais, un tempo de batterie beat, ouais. Qui commence, qui est quasiment le même. J'ai et même pas fait attention. Et il part totalement sur autre chose. Mais il y a un truc, ouais. I Wish It Would Rain Down, qui est plus un slow, et l'autre, c'est un truc super... Et là, tu super peux le refaire train... écouter, là. Ouais, alors, ah, écoute, écoute bien, c'est les premières notes, en fait. Écoute. D'accord. Donc là, c'est I Wish It Would Rain Down. Oui. Donc c'est le truc de batterie. Et l'autre, c'est ça. Ouais, tu exagères. Il y a. Mais il part sur le même concept, oui, oui, oui. De commencer avec le truc de batterie. Ah oui, d'accord. Pour partir. Ah oui. Il part pas sur. Il part pas sur un truc de guitare qui commence. Mm-hmm. Guitare saturée ou du clavier ou des trucs comme ça. C'est la batterie qui donne le coup d'envoi, en fait, de la chanson. D'accord. Et je trouve ça excellent. Parce que c'est aussi un truc. Il y a des artistes hein, qui prêchent convaincu. Et immanquablement, les intros débutaient toujours comme ça. Et ça, c'est vrai que bon, c'est notre époque. Hein. Mais j'en parlais qu'un pote. Quand tu écoutes bien les morceaux de Chuck Berry, l'intro à la guitare, c'est. Alors, il faut écouter les premières notes pour se dire, tiens, ça va être ça ou ça. Ouais. Roll Over Beethoven. Ou, ah oui, oui, oui, oui. Mais tu écoutes les intros des morceaux de Chuck Berry, même pour les plus connus, si tu as l'occasion, tu verras, c'est toujours les mêmes intros à la guitare. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Chuck Berry, là, on est dans les années 60, donc... 50. Oh, pardon. Oui. 50, oui. Ok, ok. Cela dit, oui, il a encore... bon, il a traversé les années 60, comme pas mal, mais c'est plus les années 50, oui. Absolument. Sherlock. Oui. It is the time. Yes. To go to the cinema. Je suis ton père. Bon là j'ai essayé de faire tout comme ça. Ça c'est... c'est qui ça? Bah Han Solo qui est en train de se faire la princesse Leia. Ah bravo. Bah ah, oui, bah Canon n'est pas là donc forcément... Ah ouais. Bravo. C'est vrai R2? C'est déjà la chronique? Bon on a un peu de retard, c'est vrai j'avoue. Alors oui, donc effectivement, chronique cinéma, donc pour demain pour la Belgique et la France, on va commencer avec la Belgique, avec le film Six Below. C'est, Six Below. Six Below. Ah ouais. Six et Below. B-E-L-E-W. Six Below. Six Below. Et y avait, okay. Sinon, il y avait Nine Below. Nine Below Zero. Hein? Ce qui veut dire? Nine, c'est chiffre, hein. Nine Below Zero. D'accord. Ouais. Donc 9 en dessous de zéro. Ouais. D'accord, Six Below. Donc là, c'est avec Josh Hartnett, Mira Sorvino et Sarah Dumont. C'est un film de Scott Vaughn. Et on n'a pas de date encore pour la France. Donc c'est d'après une histoire vraie, c'est l'aventure de l'athlète Eric Lemarque qui se perd en snowboard lors d'une puissante tempête. Il a survécu 8 jours sans aucune aide et alors qu'il était en plein sevrage d'une addiction à la drogue. Ah bah, c'est gay tout ça. Ouais. Mais apparemment, il s'en est bien sorti, vu qu'ils ont quand même pu faire son histoire. Donc, c'est qu'ils savent ce qui s'est passé quand même par la suite. Ça marche. Ensuite, bon, j'en ai parlé... Ah, c'était le pitch. Oui, c'était le pitch. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Bah ouais. Après, je ne vais pas tout dire parce que je ne l'ai pas vu. Non, ensuite, donc, j'en ai parlé la semaine dernière. C'est Flatliners, l'expérience interdite. Donc, avec Ellen Page, Diego Luna et Nina Dobrev. C'est un film de Nils Arden Oplev. Ça sort également donc en France. Parce que t'en as parlé la semaine dernière. Oui, exact. Bah oui, donc c'est un problème. C'est, là, non, c'est sorti en France la semaine dernière. Ah bah oui. Voilà. Donc, tu vois que je t'écoute quand même. C'est vrai. Enfin, donc, tu entends que je t'écoute. Oui. Donc pour découvrir ce qui se passe après la mort, 5 étudiants en médecine se lancent dans une expérience aussi audacieuse que dangereuse. Sur eux-mêmes, volontairement, ils provoquent des arrêts cardiaques pendant de courtes durées afin de vivre des expériences de mort imminente. Et donc en poussant le processus de plus en plus loin, ils vont devoir affronter non seulement leur part d'ombre et leur passé, mais le plus effrayant encore, les phénomènes paranormaux liés au fait qu'ils sont revenus de l'au-delà. Donc non, c'est tiré du remake des années 90 ouais, avec non, Julia Roberts. Non, il n'y a pas Julia Roberts, j'y vais pas. Ah non, non mais c'est là il y a Nina Dobrev alors, qui joue notamment dans. Enfin, qui a joué jusqu'à l'avant-dernière saison de Vampire Diaries, pour ceux qui connaissent. Ouais, je connais le nom, Twilight Zone. Ah non. Ah non, pas du tout. Non, Twilight, ouais. C'est. On va dire que ça ressemble un peu, ouais. Alors, sort en France, c'est Tout pour moi, et ça sort également en Belgique, c'est avec Nawel Madani, François Berléand et Olivier Barthélémy. C'est un film de Nawel Madani, donc c'est... un peu autobiographique. Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n'en déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve, mais de galère en désillusion, elle découvre la réalité d'un monde qui n'est pas prêt à lui ouvrir ses portes. À force d'y croire, Lila se lance dans une carrière d'humoriste. Elle n'a plus qu'une idée en tête, voir son nom en haut de l'affiche et surtout retrouver la fierté de son père. Donc oui, c'est tiré en gros de son histoire. Donc Nawel Madani qui est une humoriste hein, à la base. Oui. Enfin, j'ai jamais entendu parler. On ne sait pas d'où elle sort. Bah, elle a fait beaucoup de stand-up, notamment avec. Jamel. Je pense que c'est Jamel. Ouais, bah qui oui, bien sûr. Mais, Et donc c'est tout pour moi. C'est parce que en fait c'est la phrase de stand-up qui conclut à chaque fois les fins de sketch. D'accord. Dans le stand-up, en fait, quand la personne a fini son sketch, ils font voilà, c'est tout pour moi. Ah d'accord. Et ils partent de scène. Ouh. Ok. Voilà pourquoi le titre, la petite anecdote. D'accord. Et donc enfin sort en France et en Belgique également Bad Moms 2 avec Mila Kunis, Kristen Bell et Catherine Anne. C'est un film de Scott Moore. Donc comme toutes les mères de famille, j'avais déjà parlé du premier où en fait elles en avaient un peu marre de... Si, j'en avais parlé il y a l'année dernière. L'année dernière. Ouais. Où en gros... Mila Kunis en avait marre de faire la... Elle s'appelle comment ? Mila Kunis. Kunis, tiens donc. Oui. Ah ouais. Mila Kunis, ouais. Et en gros, elle était... elle jouait un rôle de... Flipkat, il dit rien. Non, mais... mais il n'en pense pas, moi. Non, non, mais... Parce que je vois venir aussi le Lascar. Mais voilà. Non, je n'ai rien dit. Non ? Alors, dans le premier, en fait, elle jouait le rôle d'une mère qui était un peu submergée par ses enfants, ses obligations comme parent d'élève et tout ça. Mmh. Et à un moment, elle décidait de tout lâcher, de laisser vivre en fait ses enfants un peu comme ils voulaient. Et donc là, comme toutes les mères de famille, Amy, Kiki et Carla angoissent à l'approche de Noël. Entre les cadeaux, la cuisine, la décoration, l'organisation et la préparation, c'est toujours les mêmes qui s'y collent. Et pour compliquer les choses, leur propre mère, exigeante et critique, s'invite à la fête. Au bout du rouleau, elle décide de prendre les choses en main et de s'éclater. Cette année, l'esprit de Noël va sérieusement trinquer. Voilà un petit peu ce qui nous réserve. C'est, on a eu le même version masculine l'année dernière. Bah, même la semaine dernière, hein. En gros... avec le film Very Bad Dad. Bah, ouais, c'est que... ça, ouais, mais c'est en fait on est dans la veine de Very Bad Treat. C'est le même genre. Ouais. J'ai vu la bande-annonce. Ouais. C'est okay. Ça, bah ils font un peu n'importe quoi, puis à la fin, bah ils reviennent comme ils étaient, quoi, je pense. Ouais. Ouf, Flipkat, on va demander à Flipkat qui est inspiré ce soir. Bah oui. Pour les sorties Cinoche. Je reviendrai là sur le premier film avec les. Expériences de mort imminente, ça c'est l'expérience interdite. Ouais, mais c'est un remake. Ouais, mais c'est bon. Ouais, mais est-ce que tu avais déjà vu le premier, enfin celui qui était sorti dans les années 90 avec Julia Roberts? Oui. D'accord. Oui. Bah, je préférais celui-là. Mais t'as pas vu celui-là, il est peut-être bien. Bah oui. Non, remake c'est jamais bon. Bon, non, je suis pas d'accord. Oh, je sais pas. Ah ouais. J'en ai vu quelques-uns, j'en ai parlé la fois dernière en SF. Comme le jour où la Terre s'arrêta, la guerre des mondes, tout ça, les remakes sont plutôt pas mal du tout. Quoi. Ah ouais, je sais bien, mais non, moi je suis pas fan. T'as déjà vu les deux? La guerre des mondes. C'est la guerre des mondes. Ouais. Non, c'est le. La guerre des mondes avec Tom Cruise, c'est ça? Oui. C'est ça. Et je trouve que. Bah j'ai vu celui avec Tom Cruise, mais il y en a trop. Il y a trop d'effets spéciaux, il y a trop de. Ben, pour moi, c'est pas. Mais ça reprend bien le. Ah ouais? Je pense que ça a été hyper bien adapté à l'époque. La transition était très, très, très bien faite. Un film qui a été tourné dans les années 50. Avec les moyens du bord, ne serait-ce que les tripodes, hein, les têtes aussi avec les trois couleurs RVB. Oui. Hein, le... Et ça, c'était très bien repris dans le film. Ouais, non. Parce qu'on peut pas dire que même dans celui d'époque, de mémoire, qu'il y ait une histoire. Donc, donc tu vas aller voir l'expérience interdite. Ouais, écoute, le reste me branche pas. Donc, bon, ben, j'ai toujours été formateur de fantastique, de SF. Pas les films d'horreur, par contre, non. Véro. Moi, je vais aller avec Flipkat. Ouais. Elle s'en fout du film. Moi, si, je vais avec Flipkat. Bah, si, par curiosité, déjà. Et puis aussi, bien voir Flipkat dans une salle obscure. Juste par curiosité, comment c'est Flipkat dans voilà, le noir. Ouais. On n'a jamais fait Flipkat. Non. Non, et franchement, il y a les sièges du haut. C'est les pas mal. Seat. Ah, moi, j'ai essayé les love seats c'est sympa. Au Forever à Moucron. C'est sympa. Franchement, c'est vachement sympa. Ouais. Même entre potes, c'est sympa. J'ai déjà fait. En plus, j'ai déjà fait rien pour rigoler, mais c'est marrant. Hein. Comme j'ai un pote qui dit entre potes, on se tripote. Hein, donc, Non, pour le coup, non, je l'ai pas fait. Eh, toujours bon, non, du coup. Bon, je suis sûr qu'avec Sherlock, si je t'invitais dans un love site, tu viendrais. Ah oui, pourquoi pas. Bah, bien sûr. Ça peut être sympa. Tous les deux. Ouais. Tu ramènes les coussins. Ouais, pourquoi pas. J'irai voir quoi, toi? Ben écoute, je sais pas, peut-être c'est tout pour moi, mais pour voir un petit peu comment elle a pu retranscrire un peu. J'ai un petit souci aussi avec elle, je sais pas, j'arrive pas à accrocher avec la personne, quoi. Mais après, voilà, quoi. C'est, j'aime bien le stand-up. Tu arrêtes, ouais. J'aime bien le stand-up. Voir les gens qui font du stand-up, je trouve ça sympa. Maintenant, le fait qu'elle fasse un film, j'ai peur. Mais je veux voir quand même. Tu peux répondre ? Vas-y. Non, mais moi j'accroche pas. Et donc toi, tu irais voir. Donc il reste Six Below avec le gars qui fait du snowboard. Là, pour le coup, l'expérience interdite, parce que voilà, j'aimerais bien être critique du remake, mais je suis pas fan du tout, quoi. Mais ouais, si je devais aller voir un film, ce serait celui-là. D'accord. Il faudrait m'inviter, parce que sinon, j'irais pas. Ouais. Non, c'est clair. Mais donc voilà. Ok. Eh ben, vous savez quoi, les gars? Ouais. Et ça viole. Et les filles. Et ouais, il y a déjà 22 heures. Il est dépassé de 5 minutes. Il est 22 heures passées de 35 minutes. Ça passe trop vite. Eh oui. Donc il va falloir que nous quittions. Comme quoi, toutes les bonnes choses ont une fin. J'espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous. Bah oui. On va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même antenne, avec Stéphane, le grand retour. Ah oui, le défi 80. Et je ne serai pas là. Non, je ne serai pas là mardi prochain. Ah, tu vas louper le retour du. Tu sais comment on dit en anglais Flip 4 ne sera pas là mardi prochain. Yes. T'as une bonne excuse quand même. Oui. C'est quoi? Bah oui. Bah non, je l'ai dit, je suis dans le Pas-de-Calais, je vais pas refaire trois fois donc, la dérogation. Donc, t'es gentil, mais tu connais le process. Tu vas demander à ta maman d'écrire un mot dans ton cahier de correspondance. De correspondance, ouais. Voilà. Et je lui ferai sa signature, d'accord. Voilà, et la signature de ta maman, c'est obligatoire. Et père. Il faudrait un justificatif également de là où je vais aller, éventuellement, non? Ouais, ça serait bien. Ça serait bien. Bah oui, carrément, c'est clair. Bon, les blagues à part, bah portez-vous bien. Oui. On termine en musique. Oui, bah alors avec un dernier Phil Collins. Oh, bah oui. Ah bah oui. Alors que moi je trouve excellent, j'en ai parlé hors antenne. C'est A Groovy Kind of Love. Ah oui, bah oui. Je trouve que c'est la chanson d'amour par excellence. C'est celle qui a été reprise par Mariah Carey. Hein. Non, pas du tout. C'est A Gangsta Load. Ah ok. Autant pour moi. Ouais. Et ça c'est pour moi A Groovy Kind of Love, c'est la chanson d'amour par excellence. Il y avait ça à ton mariage. Pas du tout. Ah non. Ah non, elle n'était pas à mon mariage. Ah d'accord. Eh non. Il y en a eu d'autres avant. Bah, pourquoi celle-là? Parce que voilà, quoi, quand je suis coin-coin, bah, je trouve que. Hein? Hein? Non, je sais pas. Je suis en train de me faire des gestes. Ouais. Mais non, mais quand je suis coin-coin, en fait. Ça veut dire quoi quand t'es coin-coin? Quand je suis coin-coin, bah, comme quand je suis love-love, tu vois. Quand... Ah, t'es un peu comme un coin-coin. Coin-coin, ça veut dire love-love? Ouais, c'est ça. Ça. Si, c'est ça. Ah ouais, non. Non, quand on est coin-coin, on n'est pas forcément love-love. Hein. Ah si, ouais. Normalement, c'est ça. Quand t'es coin-coin, c'est que t'es love-love. T'es, t'es un peu en mode canard, quoi. T'es, Zizi coin-coin, ouais. Mais non, plus pas zizi coin-coin. Attendez, l'expression être coin-coin, c'est être love-love. Ouais. Tu déconnes. Non. Ah bah, j'en apprends tous les jours, tiens. Attends, reviens pas, hein, c'est ton bouche un coin. Hein. Ouais. Coin-coin. T'es de ma coin. Et t'es de ma coin, ouais, t'habites pas ton coin, pourtant. Hein. On y voit coin, non plus. On y voit coin. Bon, je voulais dire, entre parenthèses, c'est bon, j'ai déjà mon mot d'excuse pour mardi prochain. Ah, ok, bon, bah, ça marche. Très bien. Donc, je remercie Christine, c'est bon. Bon, bah, ça marche. Hein, bon, mais bon. Voilà, mais donc là, en fait, dans cette chanson, il explique ses sentiments à une femme. Ah. Voilà pourquoi j'aime cette chanson. Ok, ça marche. Allez, donc on se quitte avec cette chanson. Donc, Phil Collins, A Groovy Kind of Love. Allez. Et bah, portez-vous bien d'ici là et à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye, ciao. Bonjour. Ciao, ciao. time you